Bonsoir à tous. Bon, on va démarrer tranquillement. Oula. Donc voilà, éducation, Debout Éducation Populaire est présent sur la place, malgré ce temps pas terrible. Mais on est quand même motivé. Donc ce soir, c'est un atelier, c'est l'atelier EduPop de 18h à 20h. Et le titre de l'atelier, c'est Quelle société veut-on? Et ce soir, l'axe qu'on va aborder, ce sera l'éducation. Donc, on a déjà commencé la semaine dernière à aborder cet axe de l'éducation. On a eu quelques idées qui ont été mises en avant. On a pris des notes. Et ce soir, dans un premier temps, on va relire ces notes pour que tout le monde puisse prendre conscience de ce qui a été mis en avant. Et ensuite, ce soir, on va essayer de développer en profondeur toutes ces idées qui ont été mises en avant pour voilà développer des actions concrètes, mettre en place des actions concrètes de ce qu'on voudrait faire. Qu'est-ce qui serait pour nous l'éducation idéale? Donc l'éducation, on l'entend par devenir citoyen, bien évidemment. Et donc c'est dans toute sa forme, pas nécessairement les enfants, c'est aussi les adultes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de notre éducation aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a envie de faire avec? Donc voilà, je vais passer la parole à Sébastien pour nous lire le CR de la semaine dernière. C'est bon, j'ai pas de Larsen. Oui, donc bonsoir à tous et à toutes. Ce qu'on avait fait, donc ça c'est le CR de l'atelier donc de la semaine dernière. C'était la première session donc sur les enfants. Je viens de voir qu'en fait il y a 10 points qui sont sortis, mais je pense que c'est un hasard. En premier, donc il y avait plutôt que seulement supprimer les notes, proposer un nouveau système d'évaluation. Soit les élèves s'évaluent eux-mêmes, soit une évaluation de la classe. Les élèves chercheraient alors à faire progresser la classe et donc partage et entraide. Chacun apporte à l'autre ses connaissances. Ensuite, il y a eu favoriser le dialogue enfant-adulte, la plateforme virtuelle, XMOOC. Alors là, je ne sais pas. XMOOC, oui. Bon, voilà, pour ceux qui savent ce que c'est. D'accord, c'est une plateforme sur Internet, d'accord, pour le dialogue enfant-adulte, ok. D'accord, pour des cours sur Internet. La plateforme déplace la relation à l'autorité, être ensemble sans forcément avoir recours à l'autorité. D'accord, la plateforme virtuelle déplace la relation à l'autorité, être ensemble sans forcément avoir recours à l'autorité, ok. Ensuite, s'inspirer de l'éducation finlandaise, plus d'activités pratiques et moins de théories, activités ludiques, rapport enseignant-élève basé sur le respect plus que l'autorité. Inspiration des écoles Freinet et Montessori, méthode Steiner. Définir et travailler sur l'autorité et l'évaluation, on ne peut rien régler avec le système autoritaire. Bon. Il y a eu mettre en avant plusieurs méthodes d'enseignement, développer l'imaginaire de l'enfant en mettant en avant la création et pas seulement l'acquisition de connaissances, expérimentation des émotions, du sens, favoriser l'expérience, pousser les enfants à se mettre à la place de l'autre, enseigner, c'est tenir compte des particularités. Le rapport aux autres, l'amour, la peur. Ensuite, que tout le corps de l'enseignement, élèves, cantine, famille, aide, prof, prennent part de façon démocratique à l'élaboration des projets et programmes. Accès à gratuit à l'éducation pour toutes et tous. Mettre en place un système éducatif neutre avec plus de philosophie, de critique des connaissances, liberté de pensée, d'expression, où tous les sujets peuvent être abordés à la demande des élèves. Intégrer l'éducation sexuelle des adolescentes et des adolescents. Ensuite, il y a eu apprendre à se connaître, pardon, apprendre à se connaître en favorisant les rencontres et les déplacements territoriaux pour trouver sa place dans la société, échanger et apprendre sur les différences entre les élèves et la culture et les cultures. Que les familles puissent s'investir au sein des écoles dans l'éducation des enfants, créer des lieux de discussion sur l'éducation des parents et les échanges d'expériences. Réflexion de vie, partage des savoirs, remettre en avant le fait que les parents sont au centre de l'éducation des enfants. Donc voilà, en gros, tout ce qui est sorti la semaine dernière, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que vu qu'il y en a 10, on peut les reprendre une par une et puis par la suite dire ce qu'on pourrait mettre en place concrètement pour ces idées-là, pour ces idées qui dans un premier temps, sont ressorties de l'atelier de la semaine dernière. Donc, le premier, donc, c'est plutôt que seulement supprimer les notes, proposer un nouveau système d'évaluation. Donc, on peut déjà commencer par là. Voilà, est-ce que vous avez des idées sur les systèmes d'évaluation que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous en connaissez? Parce qu'il y en a d'autres qui existent que celui qui existe actuellement. Donc, voilà, est-ce qu'il y en a qui ont envie de réagir à ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole sur les systèmes d'évaluation? Donc là, nous, les exemples qu'on a pour le moment, c'est les élèves qui s'évaluent eux-mêmes. Voilà. Après, je pense que les élèves qui s'évaluent eux-mêmes, faut pas. Je pense pas que ce soit tout le temps acceptable, mais dans certaines matières, c'est peut-être possible. Chacun apporte à l'autre ses connaissances. Donc, je pense que ça, c'est pareil. Dans certaines matières, on peut mettre en place. On peut mettre en place un système de notes comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher, ceux qui sont derrière et qui passent. N'hésitez pas à participer aussi. Donc est-ce que toi, allez, tu te lances. Il en faut bien un premier. J'espère que ça ne va pas faire d'écho là où je suis assis. Ok. Je vais essayer, comme d'habitude, d'essayer d'ouvrir des portes. C'est vrai que moi, je suis d'accord hein, pour changer le système de notation comme on le connaît dans les actuellement. Par contre, ce qui est moi, ça m'a fait tout de suite penser entre guillemets au niveau des élèves dans une classe. C'est-à-dire qu'actuellement, on a plutôt tendance à mettre les meilleurs élèves dans une classe et les moins bons dans une autre. Et après, je sais pas comment c'est possible dans une classe avec des gens qui sont à des niveaux différents. Je sais que c'est très très compliqué et je pense qu'en fait, il faut peut-être qu'il y ait une. Alors, je sais pas si c'est une prise en charge et un très bon terme, mais de ceux qui ont peut-être le plus de facilité pour tirer les autres vers le haut. Et les accompagner au lieu de les mettre en échec en fait. Et le but c'est pas de leur dire qu'ils sont en échec, c'est de comprendre pourquoi. Et comment dire, et surtout ne pas être négatif, leur montrer qu'ils peuvent faire. Alors ça prendra peut-être un peu plus de temps parce que y en a qui réfléchissent plus vite que d'autres. Il y a des gens qui sont plus vifs que les autres. Mais surtout ne pas leur faire croire que c'est pas parce qu'ils y arrivent pas tout de suite que c'est la entre guillemets c'est la fin pour eux quoi. Enfin je suis pas super méga clair, mais moi ça serait ça en fait, ça serait de l'entraide entre guillemets, et ça serait comme un espèce de collectif quoi, de classe ou je sais pas quoi. Enfin bref, je vois un bras qui se lève donc je suis content parce que je sais plus quoi dire. Ouais, c'est une très bonne idée. Donc je vais passer le micro et Madame, vous n'êtes pas d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord, mais exprimez. Ça te dérange pas que. Ça te dérange pas, on. Ton idée. Est-ce que vous pouvez attendre? Lui, on le laisse. Vous pouvez attendre juste 2 minutes, lui, il va donner son avis, et puis je vous passe le micro derrière. Ne partez pas. En fait, mon idée de base est un peu complexe. Déjà, premièrement, je voudrais qu'on arrête d'être dans le système de une année. C'est-à-dire de dire, par exemple, on va passer à une année scolaire pour déterminer le niveau. C'est-à-dire que, au lieu de se baser sur une année, on va plutôt parler de niveau. Donc, pas forcément de âge, mais de niveau. C'est-à-dire, par exemple, si une personne qui a 7 ans a autant de facilité qu'une personne qui a 10 ans, il se retrouvera dans le même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ainsi, lorsqu'une personne aura passé le niveau au-dessus, même si ça lui prend 2 ans, 3 ans ou 6 mois, il passera un niveau au-dessus. Vous voyez, D'accord. Ok, on prend note. Donc madame, c'est à vous. Dites-nous ce que vous avez à dire. Voilà. Oui, bonjour. C'est juste, je suis mère de 2 enfants, une scolarisée en 5e dans un collège REP, et mon fils qui a 7 ans, REP++. Donc, et je vois qu'ils sont, enfin, il y a un mélange énorme. Enfin, par rapport à ce que vous disiez, et je suis pas, absolument pas d'accord dans le sens où, les professeurs font en sorte que que ça se passe bien entre tous les enfants. Ils travaillent plus avec, en effet, avec ceux qui travaillent, enfin, qui ont plus de difficultés. En effet, mon fils en a moins, mais bon, je trouve que là, c'est plutôt bien fait par rapport à, voilà. Je pense pas qu'il y ait un souci à ce niveau-là. Ouais. Comment? Oui, je demandais juste, est-ce que vous me dites que vous trouvez que c'est pas mal, que les choses fonctionnent bien, est-ce que vous pensez quand même qu'il y a des choses à améliorer, par exemple? Bah, y a plein de choses. On a l'impression que le ministère de l'Éducation nationale donne des... Enfin, ça change tout le temps, quoi. C'est apparemment, ils ont plus histoire géo, ils ont... une autre matière, enfin c'est assez compliqué pour les professeurs d'école de, et puis ils sont affectés à, du jour au lendemain. Moi, mon fils a eu donc la rentrée était le 1er septembre, le 1er et le 2 il a eu un professeur, un maître, et puis ça a changé, il le savait même pas lui, ça a changé le lundi. Donc c'est vrai qu'il y a, oui, il y a des choses à améliorer dans le sens où c'est pas tellement organisé. Enfin, je pense qu'il y a, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. Ils ne savent pas. Enfin, au niveau du ministère, ils savent. Voilà, c'est le bazar. Mais en tout cas, pour ce que Sylvain disait. Je pense que c'était plus dans le côté où aujourd'hui les profs sont quand même là pour dire tu as fait tant d'erreurs au lieu de dire tu as réussi tout ça. En fait, je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire, Sylvain, non? Vraiment, vraiment, voilà, apporter, voilà, rester dans le positif, le jugement positif, on va dire. Enfin, et encore, le jugement, c'est pas le bon mot, mais. Veuillez m'excuser, c'est juste parce que j'étais à la réunion d'école de mon fils, et j'ai vu qu'en fait il y avait des points verts, des points rouges, des points oranges, chaque élève en fonction de son attitude avait des points, et je trouve ça, moi ça m'a choqué, on résume pas un enfant à un point vert, à un point orange ou à un point rouge, quoi. Enfin, c'est amener l'enfant justement à le, bon, après ça c'est une autre idée, c'est Montessori peut-être, ou amener l'enfant à être plus autonome, plus capable, plus à lui dire bravo parce que tu as fait ça, au lieu de lui dire je te mets un point rouge parce que tu as une mauvaise attitude. Enfin, ça m'a beaucoup choqué, j'avoue que les points, il y avait des règles partout dans la classe, règles de vie, c'est vrai qu'un enfant se résume pas à ça. C'est aussi autre chose. Voilà, c'est plein de vie. Merci pour votre intervention. Donc, tu voulais intervenir, c'est ça? Après, ce sera toi. Du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que, Comme ça. Ok. Peut-être ça s'éloigne un peu du sujet, mais je pense que en tant qu'enfant ou même adolescent, on devrait aussi comprendre pourquoi on est évalué. Et surtout un truc que j'avais trouvé choquant, surtout au lycée par exemple, c'était à chaque fois on apprenait quelque chose, on se disait mais est-ce que ça va être pour le bac ou quoi? Et ça, je trouve que il faudrait que dès le plus jeune âge, et même si on peut pas toujours se dire à quoi ça va servir ce qu'on est en train d'apprendre, mais de comprendre que ce qu'on est en train d'apprendre, c'est pas seulement pour avoir une note, c'est aussi parce que ça nous intéresse, que peut-être que ça nous servira plus tard, même s'il y a des choses comme la philosophie, on peut pas toujours expliquer ça va me servir plus tard, on n'en sait rien, mais que au moins, enfin, quelle que soit la manière dont on est noté, on comprenne qu'on est noté parce qu'à la fin, normalement, voilà, l'école, c'est fait pour grandir, pour apprendre à réfléchir et aussi à, voilà, à réfléchir par soi-même et pas juste avoir une note à la fin. Et voilà, ça, je trouve que c'est un truc, une vision globale qu'on n'a pas finalement à l'école, quel que soit l'âge, et que voilà, finalement, on se dit il faut qu'on y arrive pour avoir la note à la fin, mais qu'on ne se pose pas toujours la question et les profs ne nous disent pas bah, vous apprenez ça pour avoir une note, enfin, pas que pour avoir une note, mais parce que ça vous intéresse ou parce que ça va vous servir à grandir plus tard. Et je trouve que ça dédramatiserait moins aussi le fait d'avoir des mauvaises notes parce que. On se dirait, enfin, si on a une, on se dit, bah, on va apprendre mieux plus tard, mais c'est, voilà. Ouais, c'est que, il faudrait enlever le fait d'apprendre juste pour obtenir un diplôme, quoi. Voilà. Aussi pour une solution concrète, je trouve qu'il y a quelque chose qui se fait déjà dans les campagnes, puis il n'y a pas assez de professeurs, c'est des classes multiniveaux qui vont du CP parfois au CM2. Et en fait, je trouve que c'est aussi une super idée parce que s'il y a des élèves qui sont en CM2 mais qui ont des problèmes de lecture, ils peuvent quand même écouter les informations qui sont données aux élèves de CP, CE1 et du coup rattraper leur retard. Et à l'inverse, des élèves qui seraient rapides et qui comprendraient déjà les choses de CE2, bah, ils ne s'ennuient pas et ils avancent quand même. Donc du coup, c'est une classe où un peu tout le monde s'y retrouve. Les gens peuvent aussi s'entraider parce qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs âges. On apprend aussi bah, du coup des plus jeunes, des plus petits, des plus âgés. Et ça permet de, selon son niveau, de récupérer les informations en fait qui nous correspondent. Avec plusieurs niveaux différents dans chaque classe en fait. Là, je vais parler pour des formations pour des adultes. Bon, ben, je veux dire des fois quelqu'un adolescent, bon, c'est sûr peut-être qui n'a pas pu, qui n'était pas prédisposé. Donc acquérir certains savoirs, certaines méthodes. Donc, et pourquoi pas mettre en place une sécurité sociale professionnelle, donc ce qui permettrait à un salarié de se former tout le long de sa vie, du moins de sa carrière. C'est-à-dire ce qui permettrait aussi de le libérer un certain nombre d'heures par semaine, donc pour pouvoir se former. Et si on permet aux salariés de se former, disons, ça va diminuer l'inégalité, parce qu'à 18 ans, on sait très bien que au niveau inégalité, on voit ceux qui vont en prépa. D'accord. Bon, et d'un côté, il y a ceux qui vont en prépa. C'est souvent bon des jeunes issus de milieux favorisés, et d'autres qui restent, qui vont en apprentissage, c'est des jeunes de milieux défavorisés. Donc, pour mettre plus d'égalité, je pense que pour plus d'égalité, ce qu'il faudrait c'est mettre en place la sécurité sociale professionnelle, donc et permettre aux salariés de se former tout le long de la carrière. Merci pour votre intervention. Bon, je pense que j'ai besoin de préciser que en fait là on veut. Waouh. Petit problème de sono. On est obligé de faire une petite courte pause pour protéger la sono. 2 secondes. Bon, voilà, hein, c'est les intempéries, ça arrive. On va pas s'arrêter pour autant. Normalement, il y a quelqu'un qui va arriver avec un escabeau pour qu'on puisse mettre la bâche. Donc voilà, ne nous décourageons pas. Donc, ouais, en fait, on voulait rester centré sur l'axe des évaluations. Comment évaluer les élèves? Et voilà, comment... Ça risque pas la flotte, ça, non? Ne fuyez pas. Ça va, on est entre les arbres. Ça devrait aller. On t'entend ? Ouais, c'est bon. Ouais, ça va, c'est juste que ça grésille un peu avec le sac. Donc, allez, on repart. Ah bon, voilà. L'escabeau arrive bientôt, on va pouvoir mettre la bâche. On va être bien, bien au chaud sous la bâche. Et donc, voilà, donc je rappelle, là pour le moment, on va rester concentré sur les évaluations, comment évaluer les élèves, comment, voilà, donnez-nous vos idées. Est-ce que vous avez envie de mettre des choses en place ? Ouais. Et je vais laisser parler. Oui, c'était aussi pour recroiser les deux dernières interventions qui ont été dites, parce que donc dans la sécurité sociale professionnelle, que ce soit pas aussi que pour obtenir des diplômes dans le cadre du travail qu'on a déjà, mais aussi pour des enrichissements personnels, par exemple, je sais pas, un travail sur soi, ou tout simplement de faire de la philosophie, ou peu importe d'ailleurs, ou faire des ateliers pratiques pour faire de la cuisine, enfin que tout ça puisse rentrer aussi en compte dans cette sécurité sociale professionnelle. Voilà, que ce soit pas pour s'améliorer dans son travail, et donc du coup l'employeur paierait juste pour ça, quoi. Que ce soit dans tous les domaines qu'on puisse le développer. Ce que je voulais dire d'autre comme proposition concrète, justement à l'école, donc là plus par rapport aux enfants, c'est que ce soit dans toutes les matières, en maths, en français, etc., dès qu'il y a un nouveau, soit donc en français, un nouveau concept ou une nouvelle règle proposée, soit en maths, un nouvel algorithme, etc., qu'il y ait tout de suite un travail en groupe qui soit effectué avec les élèves entre eux, pour qu'ils puissent dire ce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent pas de ce qui a été proposé par l'enseignant. Et à partir de là, qu'il y ait ensuite un retour avec peut-être des exposés, ou en tout cas que les enfants prennent la parole pour pouvoir faire un retour au professeur sur ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, et que comme ça les différents groupes puissent avancer aussi ensemble sur ce nouveau concept ou algorithme ou autre chose, ou même leçon d'histoire d'ailleurs qui a été proposée. Ça peut aussi permettre de lancer sur des nouvelles questions et d'apporter encore de nouvelles choses par rapport à ce qui se dit par l'enseignant. Déjà je suis tout à fait d'accord avec la proposition du monsieur, parce que je rêve de voir des adultes, des écoles remplies d'adultes en fait, parce que je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre tout au long de sa vie, et comme tu disais, sur soi-même et aussi pour son travail. Et pour aller aussi dans ton sens, en fait, c'était juste pour rappeler une idée qui avait déjà été dite la semaine dernière. C'était de beaucoup plus inclure l'histoire en fait de chaque matière, enfin dans le maximum de matières, pour justement comprendre pourquoi on apprenait cette matière et à quoi elle a servi. Et enfin voilà, donc je pense que déjà ça c'est minime, mais ça apporte déjà un peu plus d'intérêt à savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là. Notez surtout par exemple dans des matières comme la philosophie, ou mais même justement elle parlait de l'histoire des sciences, donc et des mathématiques, etc. Et donc il y a beaucoup de choses intéressantes qui attireraient beaucoup plus les élèves que juste des théorèmes, des règles, etc. Enfin, voilà. Et juste qu'on leur dise ce qu'il faut apprendre parce que c'est important pour leur métier. Voilà, quoi. On pourrait le faire aussi pour apprendre à écrire, par exemple. Ouais, c'est un petit peu pour rebondir sur la dernière intervention. Et puis, je suis arrivé un tout petit peu en retard. Hein, atelier éduc populaire, quelle société veut-on ? Au début, effectivement, des interventions que j'ai entendues, c'était beaucoup sur un petit peu sur les, comment dire, le comment on évalue, etc. Mais il n'y avait pas du tout de réflexion un petit peu sur le contenu de l'enseignement. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, l'éducation nationale, elle reflète le contenu de l'enseignement de l'éducation nationale, reflète tout à fait le type de société aujourd'hui dans lequel on est, où on apprend effectivement la compétition, même aussi le contenu des matières. Je pense qu'il y a certaines matières qu'on favorise et pas d'autres. Il y a tout dans ce contenu de l'enseignement. La mise en concurrence des élèves entre eux, notamment par l'évaluation. Enfin, il y a la compétition. Enfin, on apprend effectivement. Puis il y a aussi, on va dire, le contenu de l'enseignement. C'est, je pense que justement, quelle société veut-on ? Est-ce que l'éducation, elle doit être simplement utilisatrice dans le type de société où on est, à faire en sorte que les élèves réussissent, entre guillemets, à s'intégrer dans cette société. Là, si effectivement on est sur nu debout, c'est que quelque part on rejette cette société. Et donc il faut réfléchir un petit peu au contenu de l'enseignement qu'on voudrait aujourd'hui. Donc effectivement, on a parlé de la philosophie, enfin l'histoire, enfin toutes ces matières qu'on est un petit peu en train de rejeter, et peut-être aussi favoriser peut-être des pédagogies qui ouvrent les esprits des élèves. Enfin bon, voilà. Enfin c'est, je pense que si on veut une autre société, effectivement, on aura un contenu d'éducation forcément qui va être différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et puis simplement aussi, c'est plus une question. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont au courant. Enfin, j'ai appris récemment, mais je n'ai pas encore lu le dossier exactement, c'est qu'il y a de nouveaux protocoles armée éducation qui sont en train de se mettre en place sous prétexte de sécurité. Hein, bien entendu, hein, sous le terme sécurité, on met ce qu'on veut. Et je voulais savoir effectivement s'il y a des personnes qui avaient des informations sur ce nouveau protocole armée éducation. C'est éducation la défense, hein, quelque chose comme ça, hein, et la sécurité, un truc comme ça. Et s'il y avait des réactions des milieux enseignants contre cet embrigadement des élèves aujourd'hui, quoi. Merci. Juste, j'ai envie de faire, en fait, ça m'a juste fait penser à votre intervention. En fait, ça m'a juste donné une autre idée. En fait, c'est qu'on devrait beaucoup plus écouter en fait les enfants. Alors évidemment, selon les âges, selon les questions, mais je pense, en fait, parce que vous avez parlé de s'intégrer dans la société, et du coup, ça m'a fait penser que au lieu de s'intégrer dans la société, pourquoi à l'école ils n'essaieraient pas à chaque fois d'apporter leur miette, en fait. Est-ce qu'ils n'essaieraient pas plutôt de créer la prochaine société au lieu de toujours s'intégrer à celle existante? Ça m'a fait penser un peu ça. C'est très, très utopique et très vague, mais enfin, ça me fait penser un peu à la manière dont on prend le problème, en fait, comme vous avez dit. Donc, ouais, ça m'a vraiment intéressé. Et donc, je pense que tout simplement, on devrait écouter les enfants sur des questions, en fait, beaucoup plus importantes que ce qu'on leur demande. Après, j'ai pas d'informations du tout sur l'autre sujet, mais s'il y en a. Je pense que ça pourrait être intéressant de supprimer les diplômes au niveau de l'éducation jusqu'à ce qu'on appelle le bac aujourd'hui. Parce que le problème, c'est que c'est jusqu'au niveau bac, c'est l'éducation générale. Il n'y a pas trop de spécialisation. Et le souci, c'est on apprend, mais pour avoir le diplôme, pour avoir la bonne note, c'est totalement nuisible à l'éducation. Comme je suis sorti de l'école il y a pas si longtemps, je m'en souviens très bien que cette histoire de diplôme est totalement foireuse. J'ai pu entendre parler du fait que sur le mode d'éducation, après la Révolution française, ils ont voulu justement réfléchir là-dessus. Et il y avait la méthode Condorcet, la méthode de Le Pelletier, il y en avait d'autres, je ne les connais pas. Celle qui a été adoptée, c'était la méthode Condorcet, qui était effectivement la méthode élitiste. Donc les élèves qui sont bons, ça monte, les autres, tant pis. Donc on est toujours dans cette méthode-là. Et il y en avait une qui paraissait intéressante, c'était celle justement de Le Pelletier, qui lui, plutôt que faire de l'évaluation personnelle, c'était l'évaluation collective, par exemple, de toute la classe. Et en fait, ça empêchait les bons élèves de monter tout seuls, et ça les incitait à s'entraider au niveau de toute la classe pour qu'ils puissent monter tous ensemble et à peu près à la même vitesse. L'avantage de cette méthode, c'est que justement, plutôt que les élèves se tirent dessus pour à tout prix être le meilleur, là, ça les incitait réellement à s'entraider. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. En fait, le truc, c'est que pour cette technique, je pense qu'il faut faire une bonne médiation avec les élèves pour bien, parce que ça peut partir aussi en vrille si tu leur dis que si lui il travaille pas, tu vas avoir une mauvaise note, donc ce sera de sa faute si on a une mauvaise note tous ensemble, tu vois. Donc c'est un travail à faire. Ah oui, sans note, d'accord. Mais quand même, c'est un travail à faire pour montrer. Donc en gros, ça serait pour montrer aux enfants qu'il faut fonctionner ensemble, chercher à fonctionner ensemble, quoi. Vraiment, c'est ok. Alors, bonjour à tous, quand même, on va être poli. Sur l'éducation de maintenant, par rapport à l'époque, dans les années 80-90, début 2000, l'éducation, c'était, on disait à nos enfants, bon bah voilà, écoute-moi, tout simplement, le droit chemin pour avoir les choses, c'est le respect, la politesse. On peut en mettre plein dedans aussi, c'est beaucoup de mots. À ce temps-ci, depuis 2005 jusqu'à maintenant, il se passe que la politesse n'existe plus et le respect est illégal. À ce temps-ci. C'est-à-dire qu'un gamin, il va se permettre à pouvoir insulter sa mère de sale pute, de salope, de ceci, de cela. Moi, je le vois tous les jours. Et c'est inadmissible de voir des gamins comme ça. Alors, l'éducation pour le monde à venir, il faudrait quand même resserrer un petit peu les vis envers ces gamins qui manquent de respect parce qu'ils n'ont plus de respect. Et ça, le problème, il est là. On doit travailler ensemble. Alors, je vais aussi passer la parole à mon cher ami Guillaume, qui lui le vit tous les jours au niveau de l'éducation, au niveau animateur principal, et il peut vous en dire plus, je pense. Sur quoi ? C'est l'éducation ? Alors, bonjour à tous, donc moi c'est Guillaume, enchanté. Moi en tant qu'animateur, de ce que j'en ai écouté, enfin, je suis arrivé un peu en cours, par rapport à l'éducation, je pense que c'est plus une manière de faire qui doit être changée, mais aussi une prise de temps vis-à-vis de nous adultes, avoir le temps d'éduquer les enfants, parce que la plupart du temps, que ce soit des professeurs, des animateurs, des pions, des tuteurs, le temps d'éducation et d'apprentissage est un peu laissé à l'abandon, on les balance trop vite. Dans une forme de compétition où faut clairement s'arracher les membres pour survivre. Et je pense que vraiment, se permettre de pouvoir réapprendre des choses, prendre le temps, être plus patient vis-à-vis de ceux qui sont en difficulté, ou même encourager ceux qui réussissent justement à aller plus loin, autant ceux qui réussissent et autant ceux qui ne réussissent pas, s'adapter, écouter l'enfant. Je pense que c'est quelque chose qui se perd beaucoup. Et que ce soit, quel que soit le corps de métier de l'éducation. Donc, à mon avis, je pense qu'il faudrait vraiment changer la façon de faire, mais aussi la réforme sur le point de vue qu'on a vis-à-vis de ça. Ok, merci. Ouais, donc c'est tout un ensemble de choses qu'il faut changer en fait. Donc, on continue sur cet axe. T'as envie de... Ok, ça marche. Vous voulez aussi ? Mais on fait comment alors ? Tu veux... C'est bon. Oui, c'était pour répondre ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit aussi avant. Donc, proposer par exemple des heures pendant lesquelles les enfants proposent eux-mêmes des thèmes de travail, en fait, où l'enseignant demande simplement et se met au même niveau que les élèves, leur dire sur quoi vous voulez travailler aujourd'hui, penser, et donc là pour développer aussi l'esprit critique. On peut penser par exemple, je sais pas, une heure ou deux heures ou même trois heures par semaine qui sont vraiment axées là-dessus. Donc, tu disais façon utopique pour réfléchir sur un nouveau monde, mais déjà pour penser eux-mêmes, enfin, quelqu'un peut parler, ah, j'ai vu cette situation-là hier avec ma mère, et voilà, peut y avoir un débat avec les enfants sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc ça permet aussi, du coup, rejoindre ce qui a été dit aussi juste avant, enseigner le respect de l'autre, voilà, par Seb, et je pensais aussi l'écoute de la parole de l'autre, donc faire aussi des petits groupes de travail sur lesquels il vient de parler, hop, chacun répond, et par contre tout le monde est impliqué pour participer, donc tout le monde dans la classe va devoir prendre la parole, donc écrivez quelque chose pour ceux qui ont plus de mal, mais pas que ceux qui lèvent le doigt parlent par exemple, enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses là-dedans, c'est des choses très simples en fait, et aussi enseigner le respect de soi-même, donc c'est par exemple, si tu dis ça à l'autre, comprends que ce que tu dis, une fois que tu le dis, c'est quand même un engagement de ta part ce que tu dis, que ça implique des choses, que l'autre le comprend de cette façon-là, enfin voilà, et ça le mettre en pratique aussi avec les élèves. Donc ce serait des ateliers pratiques d'apprentissage du respect, et puis donc l'autre chose que je disais tout à l'heure, de faire des heures libres d'échange entre les élèves. Ouais, je pense que apprendre à se connaître, apprendre aux élèves à se connaître eux-mêmes, je pense que ça c'est vraiment une étape très importante dans l'éducation, dès le plus jeune âge d'ailleurs. Ouais, alors, pour poursuivre un petit peu sur l'intervention précédente, bah, sur les thématiques que les élèves par exemple pourraient éventuellement proposer, enfin, s'ils le souhaitent, bah, je rebondis aussi sur la présence de Sébastien qui fait partie de la commission Nuit Debout sans logis. Bah, effectivement, les enfants qui vont à l'école, parfois ils voient effectivement des personnes à la rue et ils comprennent pas effectivement cette situation. Ils voient également des personnes extrêmement riches. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir effectivement, au moins pour donner des éléments d'information, après les propositions de débat c'est autre chose, enfin, etc. Mais au moins donner des éléments d'information avec des associations par exemple, qui pourraient dire un petit peu le nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans la rue, le dire aux élèves, hein. Et puis effectivement dire aussi chose que peut-être les élèves ne savent pas, c'est qu'il y a au moins 500 personnes en France qui meurent chaque année, des personnes qui vivent dans la rue, et que l'espérance de vie des personnes qui sont dans la rue c'est extrêmement extrêmement réduite. Ça c'est des choses à mon avis, si on parle de respect par rapport à l'environnement, etc., si les élèves effectivement voient des situations complètement aberrantes de la société et qu'on leur explique pas l'état des choses, ça aussi, ça peut expliquer le manque de respect vis-à-vis des adultes de la part des élèves. Excuse-moi, je vais te faire une réponse directe. Et c'est parce qu'à Lyon, ils se sont permis de pouvoir organiser une journée spécialisée sur la thématique des sans logis. Oui, je suis sans logis, oui, je ne sais pas comment faire, mais sur Paris, en fait, comme dans certaines villes, les gamins, en fait, nous regardent suite au terme de la maman ou du papa et qui disent comme ça, bon, ben voilà, si tu travailles mal à l'école, tu finiras comme ça. Et elle est là la thématique, parce que les gamins, ils vont se dire, putain, faut que je fasse un bac plus 5, bac plus 10, voire plus haut encore. Pour éviter cette merde. Mais derrière, ces gamins, les pauvres, qu'ils aient un bac plus 5, un bac plus 10, voire un bac plus 15, moi j'appelle ça le bac de grève, parce que les bacs qui vont à l'école jusqu'à une certaine limite, qui vont jusqu'en classe 5e année de fac, pour la médecine, pour tout ça, bah derrière, qu'est-ce qu'ils ont comme boulot? S'ils n'ont pas fait d'examen spécialisé en tant que stagiaire, qu'est-ce qui se passe? S'ils n'ont pas été connus du service comme dans la médecine, où il y a beaucoup d'étudiants, comme à la Salpêtrière, où ces étudiants vont sur le terrain. Oui, tout se paye, oui, malheureusement, parce qu'un étudiant à cette heure-ci, c'est un des premiers précaires, après nous, avant l'ouvrier. Mais les tout premiers précaires, c'est nous, les sans-logis. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, en France, on a dit, en 1930, on doit montrer qu'il y a des gens qui sont pauvres, pour derrière, organiser les parents à dire, bon ben voilà mon fils, si tu travailles mal à l'école, ben tu seras comme lui. C'est-à-dire que derrière, le gamin, il est forcé. C'est un forcement d'éducation scolaire, mais aussi d'éducation au niveau de la responsabilité de lui-même. Tu peux être responsable à 6 ans, comme tu peux être responsable à 40 ans. Moi, je suis responsable de moi-même. J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Je suis l'homme de la famille. Depuis maintenant, j'en ai 30, ça fait 24. Et je suis resté comme moi, comme je suis. Ma mère qui travaille comme une chienne, malheureusement, à la RATP, côté capitalisme, en tant que service d'entretien, pour honnête. Quand je les vois, ça me fait rire, parce que c'est marqué honnête avec un O. Pourquoi pas marquer société honnête avec un H? Parce qu'ils sont malhonnêtes. C'est que du capital. C'est tout le reste. Mais bon, c'est comme RATP. Tout le monde dit, ouais, RATP reste à CTP. Mais on a vu dans la manif des collègues de la RATP, CGTistes, sudistes, EFO, tous les collègues au niveau de la RATP se sont mis en grève. C'était la merde pour eux. Et je pense que c'est encore la merde à l'intérieur. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens? Quelles questions on peut leur poser? Parce qu'il est là l'intéressant. L'intéressant, c'est ça. L'intéressant en tant qu'éducation, en tant que populaire, Éduque-pop, ça se dit éducation populaire. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même qui doit s'apprendre la vie, chacun de son côté. Apprendre la vie à un gamin de 6 ans et apprendre la vie à un ancien de 50 ans. Nous, on a vécu une autre chose. On a peut-être entre 20 et 30 ans, voire 40 ans maximum. Mais derrière, le papy derrière qui a vécu pendant 80 ans sur la planète, est-ce que lui, il peut venir nous rejoindre pour pouvoir dire, bon ben voilà, moi j'ai eu ça, ça et ça. J'ai vécu ça et j'ai besoin de vous transmettre ça. Ben ça, nous, en tant que sans logis, on le vit tous les jours. Parce que c'est les anciens qui nous apprennent. C'est les anciens, moi, qui m'ont appris. Et encore, qui m'apprennent encore. Et encore, tous les jours. Parce que, comme on dit, la société n'est pas faite. La société n'est pas faite suite à l'âge, mais suite à la connaissance de la personne. C'est-à-dire que derrière, si on apprend beaucoup de choses derrière, et que nous, on en apprend parce qu'on en apprend tous les jours, bah, c'est très important que ce gamin qui est dans le doute de sa question par rapport à ses livres, par rapport à tout, doit savoir la réalité exactement par son père, sa mère, son grand-père, ou même ses arrière-grands-parents aussi, peut-être. Il doit apprendre qu'est-ce qui s'est produit dans la société et dans le peuple français, ainsi que tous les peuples. Ouais, du coup, que en gros, la famille a une grande importance dans l'éducation, ainsi que les anciennes personnes. Et il faudrait pouvoir créer peut-être des lieux où toutes les générations peuvent se retrouver pour apprendre des choses entre elles, par exemple. Ok. Message reçu, Sébastien. Voilà, là, on était toujours sur l'évaluation. Donc, je sais pas s'il y a encore des gens qui veulent réagir. Oula, il y a la bâche qui va passer là. Attention, je vais disparaître. Bah, c'est pas grave, non? C'est grave là? Non, mais là. On a failli être bâché! En fait, elle est pas assez longue. Ah putain! Ah la vache! Donc, alors là, nous avons un bel exemple d'éducation populaire, c'est-à-dire éducation populaire, on bâche. C'est un truc énormissime. Ben en fait, on a un peu la preuve là sous nos yeux que en fait les profs ça peut être nous en fait. Hein. C'est un peu Bruno là le prof, vous le voyez. Tu peux parler. Merci. Pour revenir sur l'idée d'évaluation, je pense qu'on pourrait en début d'année proposer en fait à la classe de créer elle-même ses objectifs. Même dans la lecture, qu'est-ce que vous vouliez être capable de lire d'ici la fin de l'année, peu importe l'échéance. Comme ça, en fait, l'évaluation porterait en fait sur les objectifs que les enfants créent eux-mêmes. Et donc, ce ne serait pas forcément des notes et tout, mais ils pourraient juste checker s'ils ont réussi cet objectif-là. Et s'ils n'ont pas réussi, bah, ils continuent. Et ce n'est pas grave, mais c'est juste pour qu'eux-mêmes, ils sachent en fait ce à quoi ils visent. Et du coup, ils l'ont créé eux-mêmes. Et l'évaluation, elle n'est pas sur des notes et sur des choses qui pourrait être inégalitaire entre les élèves, et chacun en fait décide un peu ce qu'il a envie d'accomplir, et à partir du moment où il réussit, bah, il peut que réussir, parce que même s'il repousse l'échéance, au bout d'un moment il arrive quand même bien à l'atteindre. Du coup, il n'y a que les réussites, et voilà. Merci pour ton intervention, c'est très intéressant. Après, je pense que c'est un concept assez. Je te donne la parole. Je pense que c'est un concept assez compliqué à mettre en place, mais c'est toujours bien de donner des idées comme ça. On est là pour mettre des idées utopiques en avant. Hein. On est là pour se lâcher. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Ouais. Donc pour aller un petit peu à bander dans ton sens, en fait, quand on a commencé à cogiter sur cet atelier, en fait. Moi j'ai pris l'exemple d'un film qui était un peu pourri mais la base était sympa. En fait c'est un mec qui était recalé de toutes les facs à laquelle il avait postulé et en fait il crée sa propre fac en fait. Et en créant sa propre fac, en fait il va dans le film au bout d'un moment il va dans la fac classique, il regarde comment ça se passe et il voit toutes les problématiques et tout ce qu'il faut pas faire. Et lui en fait dans son ce qu'ils appellent ça un programme pédagogique, c'est qu'il prend un peu comme nous un tableau Velleda et en fait il demande aux gens ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent apprendre. Et donc du coup il y a plein dans le film, c'est très rigolo parce que déjà les gens sont surpris qu'on leur demande ce qu'ils veulent apprendre parce que c'est la première fois qu'on leur demande ce qu'ils veulent vraiment faire. Et du coup il y a plein de rubriques un peu improbables qui mettent sur le tableau et en fait c'est les élèves eux-mêmes qui sont les professeurs. Et quand tu disais tout à l'heure, je sais plus qui parlait des anciens, etc. Bah pourquoi pas effectivement quelqu'un qui a une spécialité dans telle chose qui vient et qui apprend ça aux élèves. Et dans ce film en fait, il y a un monsieur qui est un ancien prof qui est un peu rock'n'roll et qui en fait critique la société américaine. C'est assez rigolo. Et au début en fait, il a trois personnes devant lui et à la fin ils sont dans une piscine vide. Oula, la bâche revient. C'est la vague bleue. Ouais, c'est un film. Alors, oh merde, pardon. c'est un teen movie hein, à la base, donc c'est admis à tout prix, je crois, hein, la traduction française. Donc c'est un truc genre à la American Pie, mais un peu plus intelligent, mais en tout cas le principe est très intéressant. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à la fin, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autorisation. Comme un certain mouvement de temps en temps ici sur la place pour faire la fac. Et donc en fait ils prennent un ancien hôpital psychiatrique et ils le transforment à coups de peinture. Alors quand on parle d'utopie, on est à fond dans l'utopie hein. Et donc du coup cet hôpital ils en font la fac et à la fin d'accord. Il y a une manif ce soir, très bien, mais merci pour cette information. Et donc en fait à la Bastille à 19h30. Ah mais tu nous dis ça, on est en train de bâcher de pine. Est-ce qu'on peut continuer notre atelier s'il vous plaît? Merci. Donc manif bientôt. Et juste alors pour vous dire je vais vous dire la fin du film, c'est un peu con mais bref, c'est pas grave. En fait, il y a un mec qui dénonce cette fac, puisqu'elle est sans autorisation, et il passe devant une espèce de commission avec des juges, forcément, qui ont la tête super sévère. Et en fait, le mec fait un speech. Vous savez, dans les films américains, il y a tout le temps des speeches où ils refont le monde. Et en fait, il leur dit, ben voilà, mais vous, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, etc. Et qui lui explique le principe, de s'auto-former. Et c'est assez rigolo, parce qu'il y a le fameux tableau Velleda avec toutes les trucs à la con... J'ai plus besoin du parapluie. Merci. C'est un peu en live en direct ce soir. C'est éducation populaire débrouille. Et donc, en fait, à la fin, c'est assez rigolo parce que les mecs qui sont super tendus en phase 2, donc leur autorisent à faire cette fac, on va dire, avec un nouveau truc pédagogique. Et le mec lui dit, voilà, quand j'étais jeune, je voulais faire du trombone, etc., etc. Donc c'est complètement utopique. C'est rigolo et c'est un peu un des trucs qui nous a fait faire cet atelier en fait à la base. Et je pense que ça peut être une bonne idée. Alors déjà pour moi au départ il faut les fondamentaux, c'est-à-dire faut apprendre on va dire à écrire, à parler et s'exprimer en français. C'est la base. Mais après moi je suis rentré sur le monde du travail. Franchement ce qu'on m'a appris à l'école. Si j'en utilise 10% de ce qu'on dans mon travail actuel, c'est déjà énorme. Donc pour moi, la base, ça serait ça. Et après, ça serait vraiment de dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et surtout, si tu essayes... Alors je sais pas vous, je sais que souvent, quand les parents qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans des activités sportives, musicales, etc.,

l'école n'est pas du tout obligatoire en France. C'est l'instruction qui est obligatoire. Donc l'école, c'est, quand on dit l'école, on se trompe déjà. Parce que l'instruction, des parents lettrés peuvent très bien instruire leurs enfants, les préparer à les plus grands concours, etc. Donc, et je voulais aussi dire qu'il y a dans les années 70 des écoles parallèles qui se sont constituées dans Paris, entre autres l'école de la rue Vitruve. Il y avait Piaget, il y avait Montessori, il y avait Freinet, et tous ces éducateurs ont été à l'avant-garde d'une instruction dont peut-être on a profité, nous, les 70 ans, là, et que ça serait bien qu'on se repenche, justement, que l'école ne soit pas l'instrument pour le capitalisme et faire en sorte qu'on mette de côté les petits-enfants des quartiers et qui vont être les futurs chômeurs de demain, et puis la reproduction des élites, parce qu'effectivement, il y a dans les beaux quartiers, il y a des gens qui vont pas à l'école, ils sont complètement instruits par eux-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc c'est l'instruction dont il faut parler. C'est très bien de le préciser, mais par contre, pour instruire ses enfants, il faut avoir du temps. Donc ça va pas être facile pour tout le monde. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'on doit apprendre aussi, c'est le goût d'apprendre, parce que ça peut se perdre. Et moi, franchement, j'ai été dans un placard en BEP et c'était pire, en fait, je crois. Et moi, j'ai l'impression d'être gavée. Depuis que je suis à l'école, j'ai l'impression d'être gavée. Après, il y a un rythme infernal quand même. Hein. Moi, j'ai jamais tenu. Et qu'est-ce que je voulais dire pour les grandes écoles, après, les écoles de commerce, par exemple, ils forment, mais du coup, ils sont formés aussi pour... J'ai l'impression pour mentir, pour... ils représentent des... J'ai pas trop l'habitude de m'exprimer comme ça. C'est des écoles donc de commerce et ils sont comment dire pour bosser après avec eux quoi, enfin sous le même nom, enfin, et donc ils apprennent à être corrompus dans un sens, et moi je trouve c'est un danger. Voilà, c'est tout. Bah dans les hautes écoles de commerce, c'est l'élite quoi, on parle d'élite de la France. Ouais, bien sûr. Donc c'était madame qui était juste là, qui n'est plus là. Donc je ne sais pas où elle est. Donc c'est à madame. Monsieur, pardon, je me suis trompé. Pas grave. Oh, je voulais tout de même rebondir sur ce que disait Khaled au sujet de, comment dire ça, dans les conditions qu'arrivent les étudiants à l'université. Effectivement, le second cycle devrait théoriquement préparer, former les élèves à apprendre, et c'est pas le cas. On les formate à autre chose, et donc on sait que le système est très très mal en point. Les alternatives ne sont pas exploitées, alors qu'elles sont extrêmement positives, on le sait tous. Elles sont foutues de côté pour essayer de former des demi-crétins, enfin. Alors moi je pense que l'école n'est pas adaptée aux enfants, parce que l'école devrait s'adapter aux enfants, mais on oblige les enfants à s'adapter à l'école. 6 heures par jour pour des petits, c'est énorme, donc il y en a beaucoup qui décrochent. C'est la première prison pour les enfants, pour qu'ils obéissent, pour que plus tard ce soit des bons petits travailleurs, et on n'en a rien à foutre, on ne cherche pas à leur donner l'esprit critique du tout, et je pense que l'école n'est pas du tout adaptée aux enfants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, bon, c'est un débat beaucoup plus large. Ouais, donc nous, là, on est... en fait, c'est l'atelier de... On est sur l'éducation et on est utopique. Hein, ici, on est très utopique et on n'hésite pas à donner des idées. Voilà, si vous avez des idées qui vous passent par la tête de ce que vous voudriez mettre en place, de ce que vous aimeriez bien qui soit mis en place, voilà, n'hésitez pas à vous lâcher. Hein. Il y a une dame qui veut parler. En fait, moi, je peux parler de l'école vraiment aujourd'hui, parce que depuis 3 ans, les communes ont décidé de mettre un temps d'ARE ou ATM dans les provinces, en faisant finir les enfants plus tôt, le mardi et le vendredi, pour avoir des activités éducatives, entourées par des animateurs. Moi, je suis animatrice. je travaille dans une bibliothèque. Et les effectifs en élémentaire, c'est-à-dire des enfants de 6 à 11, 12 ans, c'est 1 pour 18. Donc aller dans une classe où il y a des instits, faire des réels ateliers avec 18 gamins qui n'ont pas forcément envie de s'inscrire dans cet atelier d'ailleurs. Et en maternelle, c'est 1 pour 14 ans. Donc la direction de la jeunesse et des sports a attribué à la mairie de Paris une dérogation dans les taux d'encadrement. Ça veut dire que l'éducation populaire, qui s'est faite en 1948 quand il y a eu les congés payés, eh ben, elle est complètement remise en question parce qu'on revient en arrière en mettant des effectifs d'encadrement qui sont complètement nuls avec des animateurs qui, même s'ils ne sont pas nuls, les conditions ne sont pas du tout mises en place. Les maternelles ne savent plus du tout où ils en sont, et les élémentaires, eh ben, c'est à peu près la même chose. Maintenant, quand un enfant arrive en 6e, il a 11 ans théoriquement, il peut très bien finir à 2h de l'après-midi ou finir à 2h de l'après-midi un lundi ou un vendredi. Les parents qui sont justement au boulot et qui ont des boulots qui ne leur permettent pas d'aider et d'encadrer leurs gamins, eh ben, ils sont livrés à eux-mêmes. Alors là, maintenant, c'est les CM1 et les CM2 qui le sont aussi, parce qu'il y en a, ils ne veulent plus rester aux ateliers. À 3h, ils sortent de l'école. Il n'y a personne pour les surveiller. Ils sont tout simplement dans la rue. Sachant que les ateliers, quand ils ont été mis en place, ils étaient gratuits. Et qu'il ne faut pas se leurrer, la ville de Paris va bientôt faire payer les parents, quoi. Et cher. Ouais, donc c'est peut-être tout simplement un manque de moyens aussi. Ça doit beaucoup manquer de moyens. Il faudrait peut-être mettre beaucoup plus d'argent. De mettre beaucoup plus d'argent dans l'éducation. Ouais, vas-y. Justement, tu parles du manque de moyens. Bon, on vient d'apprendre qu'aujourd'hui, effectivement, pour le budget, le nouveau budget qui a été voté, par rapport effectivement au fait que la France est en guerre, donc on a augmenté le budget de l'armée. Et aujourd'hui, effectivement, le budget de l'armée est supérieur à celui de l'éducation nationale. Voilà. Merci pour l'info. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent intervenir sur les évaluations, la notation, s'ils ont des idées, des choses à mettre en avant, des témoignages de ce qu'ils vivent tous les jours, s'ils sont profs ou maîtres, maîtresses, peu importe. Sinon, on va passer au point suivant, parce que bon, il y a beaucoup de choses à voir hein, quand même. Oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc s'inspirer de l'éducation finlandaise, plus d'activités pratiques, moins de théorie. Donc là je relis le CR de la semaine dernière pour dire aux gens. Et voilà, à partir de cette idée, on va essayer de développer. Adèle est là pour prendre des notes de ce qui se passe, de ce qui se dit. Et après on refera un condensé de tout ça. Donc là le point c'est s'inspirer de l'éducation finlandaise. Plus d'activités pratiques et moins de théorie. Activités ludiques, rapport enseignant-élève basé sur le respect, plus que l'autorité. Inspiration des écoles Fresnel, Montessori et méthode Steiner. Voilà. Moi, personnellement, je ne connais pas les écoles Fresnel et Montessori. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Donc, si vous savez ce que c'est, si vous avez des témoignages à donner par rapport à ces techniques, et si vous en avez d'autres à proposer, c'est très bien. Et voilà, l'éducation finlandaise, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette éducation? Est-ce que vous connaissez? Et est-ce que vous avez envie de développer par rapport à ce sujet? Demain, à la fin du film, si vous voyez le film demain, à la fin du film, il y a un très bon reportage sur justement l'école des gamins qui peuvent très bien être à plat ventre par terre en train de rédiger une rédaction ou faire... et ils n'ont pas du tout l'obligation d'être assis. Un enfant de 4 ans et même les plus grands, enfin 20 minutes, c'est déjà leur demander énormément de pas de rester assis sans bouger. Oui, bah en plus les jeunes aujourd'hui avec toutes les télés, les consoles et les machins comme ça, les téléphones, leur attention est réduite beaucoup apparemment, beaucoup beaucoup. Donc c'est vrai que ça devient difficile d'attirer l'attention des élèves. Vous voulez parler? Moi, je peux vous parler un petit peu de l'expérience de la rue Vitruve, qui se trouvait donc dans le 20e. C'est une école où le directeur choisissait ses enseignants. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un travail d'équipe entre eux. Et les enfants, c'était en école primaire. Et les enfants sortaient de l'école, c'est-à-dire que pour faire les multiplications, pour faire les divisions, pour faire la grammaire, ils choisissaient par exemple le matin ce qu'ils allaient déjeuner à midi. Alors ils choisissaient 2 kilos de pommes de terre, 1 kilo de poireaux, etc. Et le maître faisait calculer en fonction du prix du marché le kilo de poireaux dont ils avaient besoin pour manger à midi. Le kilo de patates, enfin bon, c'est très loin dans ma tête, mais si vous voulez, c'était les épreuves pratiques avec un projet d'existence dans l'école. C'est-à-dire le matin, ils choisissaient le repas qu'ils allaient faire le midi et ils faisaient le calcul de combien il leur fallait d'argent, c'était en francs à l'époque, combien il leur fallait d'argent, combien il fallait emmener pour combien de paniers il fallait emmener pour autant de patates, etc. Donc, si vous voulez, c'était une école vivante dans la vie pratique. Ce que fait en fait une ménagère quand elle choisit de faire son repas pour sa famille. Les enfants après partaient avec les instituteurs sur le marché. Ils allaient choisir les fruits, les légumes dont ils avaient besoin. Le maître payait, parce que c'était quand même pas les enfants qui payaient, mais le maître disait, est-ce que dans ce que j'ai payé là dans les poireaux, est-ce qu'il me rend bien la monnaie? Donc ça veut dire qu'aussi qu'il fallait que les enfants fassent la soustraction tout de suite, sans crayon, sans papier, pour effectivement voir s'il n'y avait pas eu d'erreur dans la... Ils repartaient dans l'école. Et dans cette école, ils faisaient le repas et puis à midi, ils mangeaient, ils faisaient la vaisselle. Et l'après-midi, bon, il y avait souvent un temps de repos, de chant et d'ouverture un petit peu sur les arts. Voilà, c'est tout. C'est une école qui... On a bien parlé de l'expérience de la rue Vitruve. C'était bien une expérience. Et effectivement, elle n'a pas duré parce qu'on était déjà dans ces années 70 dans un système capitaliste. Il fallait que l'école devienne rentable. Donc voilà, ça s'est écroulé. Quant à Montessori, ce que j'en connais, mais peut-être je peux essayer. Non, c'est bien, allez-y. Ouais. Quant à Montessori, ce que j'en connais, c'est que Madame Montessori, qui était une Italienne dans les années 70, elle a compris que le maître pouvait pas faire la classe debout et les enfants assis. Donc la Madame Montessori s'est assise et elle a fait la classe assis et elle a vu que dans sa classe, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas faire la classe avec le mobilier qu'elle avait. Donc elle a décidé dans son école, alors je me souviens plus si c'était une école privée ou publique, hein, je ne saurais pas dire, il faudrait rechercher, mais elle a donc mis en place le mobilier pour ses enfants. Et depuis, en France et ailleurs, on a du mobilier pour petits. Ça nous paraît évident d'emblée, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Voilà. Quant à Freinet, alors j'ai complètement tout oublié. Chose. Alors Freinet, il y avait des revues qui paraissaient toutes les semaines et des revues qui traitaient aussi bien des arbres, de la forêt, du sport, tous les thèmes de la vie. Et c'était dans la classe les enfants qui choisissaient le thème sur lequel ils voulaient travailler. Ils étaient à 3, 4 selon le thème qui avait été choisi et c'est eux-mêmes qui construisaient leur dossier et qui rendaient le travail à l'instit au lieu du contraire. Et moi, j'ai une amie qui a eu ses enfants qui ont été à Vitruve. Et donc, avec l'éducation Freinet, c'était vraiment de voir leur dossier. Ça n'avait rien à voir avec l'école traditionnelle. Les enfants étaient intéressés par le sujet qu'ils avaient choisi. Et après, il y avait débat sur les dossiers que les autres avaient choisis. Donc, ils avaient le retour. Enfin, c'était un système d'échange. Ouais, donc en gros, je pense que c'est ça vraiment la méthode de toutes ces pratiques vraiment primordiales, c'est l'échange entre les enfants et entre les enfants et le professeur et la pratique des choses de la vie de tous les jours en fait pour apprendre des choses de la vie de tous les jours. Donc est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir sur ce sujet? Tout ce que je vous ai dit sur ces écoles parallèles, c'est bien sûr arrivé après 68, quand Sarkozy il a dit qu'il voulait faire un coup de balai sur Sarkozy parce que effectivement. Ah non, Montessori, oui. Oui, oui, non, Montessori. Je parle de la rue Vitruve. Je parle de la rue Vitruve. Hein, les écoles parallèles. Oui. Non, mais je vais vous donner le micro, monsieur, pour Montessori. Hein. Ce que je voulais dire par rapport à ces écoles parallèles qui sont arrivées à Paris, c'était après les événements de 68, donc c'était aussi dans un esprit de révolutionner l'éducation. Voilà. Et quand Sarkozy a dit qu'il voulait mettre un coup de balai là-dedans, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on se souvienne de ces périodes. Voilà. Merci. Merci pour votre intervention. Monsieur, vous êtes sûr que vous ne voulez pas parler au micro ? D'accord. Bon, c'est pas grave. Mais on va pas vous obliger, vous inquiétez pas. Et donc voilà, est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent donner leur avis sur ça ? Donc en gros, là, c'est l'axe, c'est s'inspirer de l'éducation finlandaise, des écoles Fresnel, Montessori et Steiner. Donc voilà, les gens, ils ont mis ces idées en avant. Cette idée, on peut dire, en avant. Donc c'est plus d'activités pratiques, moins de théories, des activités ludiques. Et rapport enseignant-élève basé sur le respect plus que l'autorité. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important de mettre l'autorité, de voir l'autorité différemment. Merci. Dans une vidéo de Franck Lepage, il parlait de l'université de Vincennes, l'ancienne université de Vincennes, qui utilisait une nouvelle forme d'éducation aussi qui apparemment a super bien marché. Et bon, selon ses dires, pour cette raison, elle a été rasée par Chirac derrière. Et c'est, alors j'ai aucune info là-dessus. J'ai essayé de rechercher sur internet s'il y avait des infos. J'ai absolument pas trouvé. Alors si quelqu'un en sait plus là-dessus, ça m'intéresse aussi. On a eu une intervention spécifiquement là-dessus avec Duc Pop il y a à peu près 3 semaines. Donc tu pourras retrouver l'enregistrement sur le site, en tout cas. Tu peux retrouver l'enregistrement sur le site. Et ouais, voilà, c'est ça, Duc Pop. Non, et juste, du coup, l'université de Vincennes existe encore. Elle est dans 93, je ne sais plus quelle ville exactement, mais voilà. Bon, voilà, mais enfin, en tout cas, elle résiste à Saint-Denis, ouais, peut-être. Bon, ouais. Merci en tout cas pour ces interventions. Donc est-ce qu'on continue sur ce sujet ou est-ce qu'on change de point ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des choses à dire ? Vous avez entendu, hein, c'est le thème, c'est les écoles finlandaises. Ok. Et bien justement, mais dites ce que vous avez à dire. Bonjour, je m'appelle Mallory. Je viens depuis le mois de mars. Là, je suis pas venue pendant un mois parce que j'étais malade. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'au niveau des écoles finlandaises, il n'y a que du bien à en dire. Parce que moi, j'ai voyagé dans ce pays. Il n'y a pas de notes. Donc déjà, ça ne dévalorise pas l'élève. C'est déjà une première chose. La deuxième chose, le rythme scolaire est beaucoup moins fatigant. Alors, je m'explique par là. Il y a des activités artistiques et ou sportives qui sont réservées dans les après-midi. Et le matin, ce sont les cours dits théoriques parce que les médecins ont tous reconnu, j'ai fait homéopathie, hein, je peux vous en parler, c'est le matin qu'on apprend le mieux. Et c'est justement pour ça qu'ils sont devenus les numéros 1 mondiaux presque au niveau des écoles, parce que justement, ce sont des écoles libres, basé sur une réelle éducation, basé sur la physiologie de l'enfant lui-même, c'est-à-dire son rythme de vie, sa biologie, sa biométrie, comment il est, comment il vit, et qui respecte le mieux la physiologie de l'enfant pour un meilleur apprentissage. Donc là, s'il y avait quelque chose à faire au niveau de la France, c'est de faire exactement pareil, déjà tout du moins, et nos enfants iraient déjà beaucoup mieux. Merci beaucoup pour ce témoignage, madame. Merci beaucoup. Je suis complètement d'accord avec vous, sauf que les écoles françaises ne sont absolument pas conçues dans cet état d'esprit. Et que les temps scolaires, l'aménagement du temps scolaire qui a été mis en place, hein, c'est immonde parce que les animateurs, ils se retrouvent avec un BAFA. Ça fait 2 ans qu'ils sont sur le terrain, ils se retrouvent avec 18 gamins dans une salle de classe où faut bouger les tables, faut surtout pas toucher à un stylo qui est au mètre, à l'affichage. C'est vraiment une salle de classe, on veut en faire... Enfin non, c'est impossible quoi. Il faut vraiment changer beaucoup de choses. Et quand même, à la décharge des instits, les instits, plus ça va, plus ils essayent de travailler justement dans le ludique. Mais aussi, ils ont des programmes qui leur sont imposés. Mais c'est drastique et c'est vraiment infernal quoi. Et du coup, comment vous pensez qu'on peut modifier ça, par exemple, vous qui avez l'air de connaître un peu le sujet? Comment est-ce qu'il faut changer les structures, aller vers les structures pour essayer de changer directement le fond de la structure, ou changer le mode de fonctionnement des enseignants? Est-ce que les enseignants ont déjà changé leur mode de fonctionnement? Alors là, il y a un collège pas loin dans la rue Étienne Dolé où ils ont retiré les notes, sauf qu'ils ont mis des points rouges, verts, jaunes, enfin. Donc c'est plus des notes, mais il y a quand même des évaluations. Et l'idée, c'est que si on arrêtait de cloisonner les enfants dans le CP, le CE1, le CE2, le 6e, la 5e, et qu'on décloisonnait par rapport à leur niveau en français ou en maths, hein, et qu'on décloisonnait et qu'on pouvait mettre... et qu'on pouvait... que les instituts puissent avoir les enfants selon leur niveau, selon le cours qu'ils vont avoir à donner, sur le verbe avoir, le verbe être, enfin, toutes ces problématiques qui sont pour nous encore des fois aujourd'hui dépassées, le passé composé, tout ça, qu'on puisse décloisonner les classes. Les enfants, maintenant, on ne peut plus les faire redoubler. Alors, ils passent, et en CE1, ils se retrouvent, ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas ne serait-ce que l'alphabet, mais ils sont en CE1, après ils sont en CE2, après ils en ont ras-le-bol de l'école, ils veulent même pas y aller, quoi. Donc si on décloisonnait et qu'on donnait l'institution selon chaque élève, parce que les instituts, ils savent très bien quels sont les élèves qui en maths sont super bons, qui ont de la bonne mémoire pour la poésie ou l'histoire géo et tout ça, ce serait possible ça, dans l'école. Alors, entièrement d'accord avec la dame, je vais même rajouter quelque chose de plus. Moi, ce que je considère, c'est la compétitivité qui est horrible dans les classes. J'ai horreur de ça. Déjà, ça dévalorise l'enfant. Si on apprenait à l'enfant, par exemple, qu'à des meilleures notes ou qu'à des meilleures capacités, à aider son camarade qui est beaucoup plus faible. Moi, j'ai été très contente parce que je suis tombée dans un collège à Nonancourt dans le 27 dans l'heure. La prof d'anglais acceptait que je fasse ça. Mais c'était la seule parmi tous les profs. Elle a été décriée. On l'a même prévenue, on l'a même menacée de la mettre à la porte. Pour ça, Madame Larcher, elle s'appelait. J'en suis vraiment dégoûtée. Si vraiment on apprenait aux élèves à être plus solidaires les uns envers les autres, déjà pour ceux qui sont meilleurs, qu'aident le plus faible, qui donne un petit peu de son temps, voilà. Et ça, c'est pas bon. Le système de compétitivité à l'école ne doit plus être accepté. Plus jamais. Un point qui revient souvent et qui est très très important, en effet. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est... Pour le capitalisme, c'est la base. Hein. Faut que la compétition existe, sinon ça sert plus à rien. Et je pensais d'ailleurs, c'est ça, rebondissait sur ce que vous disiez toutes les deux, pour la solidarité donc entre les élèves et entre les enseignants aussi, du coup, parce que du coup, ça, l'un ira avec l'autre certainement. Et par rapport à l'autorité, j'avais trouvé une réponse très intéressante justement par des enseignants finlandais qui disaient que le problème en France, c'est qu'on considère que pour que l'enfant respecte l'enseignant, il faut qu'il soit autoritaire, l'enseignant. Et ce qu'il disait, il disait, nous, on joue avec les enfants, on passe la récré avec eux, mais en fait, le souci, c'est pas... Voilà, ils mangent avec eux, tout à fait, absolument, ils font des choses... Ils font plein de choses avec eux, et des choses ludiques. Et ce qu'ils expliquaient, c'est qu'en fait, le respect ne passe pas par l'autorité, mais il passe par le fait que déjà, ils respectent les enfants, qu'ils leur montrent, qu'ils demandent aux enfants de se respecter entre eux. Et donc, du coup, ça fait un rapport de personne à personne qui se respecte, et non pas... Je le reconnais lui parce qu'il est autoritaire et parce qu'il va mettre une punition. Et donc, du coup, je suis gentil avec mon copain pour pas me faire punir par le maître. Donc c'est vraiment un autre système à repenser aussi par rapport à la France. Oui, c'est tout un système de pensée en fait, vraiment qu'il faut. Du coup, c'est pour ça qu'il faut sûrement commencer dès le plus jeune âge à faire fonctionner les enfants ensemble, à ne pas juger l'autre, à ne pas stigmatiser, à ne pas tous les jugements possibles. Voilà, est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent réagir sur ce thème? Donc je rappelle que le thème, c'est les écoles finlandaises, Fresnel, Montessori, Steiner, un peu les modes alternatifs d'éducation, d'instruction. Et voilà, est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent réagir sur ce sujet, dire ce qu'ils en pensent, les choses qu'on pourrait mettre? Oui, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Par rapport à l'éducation, enfin tout ça, du coup... je trouve pas le mot. Il faut tous être un peu pareil, même ça commence même au berceau, quoi. On achète des petites Nike, des petits machins, des petits, et ça commence là. Je trouve que c'est, il y a rien de mieux que d'être différent, et ça on est bercé là-dedans, quoi, dans les marques, dans les, c'est terrible. Moi c'est terrifiant, je trouve ça. Non mais c'est bon. Non ben voilà. Enfin ouais. Non, je j'avais compris que t'avais pas fini. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Mais allez-y. À l'époque, on critique beaucoup les anciens. Excusez-moi, beaucoup de respect que j'ai pour eux. Mais on portait des uniformes dans les écoles. Bon, je demande pas des uniformes cradingues et qui grattent partout. Là, non merci, j'ai connu ça, c'est l'horreur. En cours catholique, au secours. Non, ce qu'on demande, c'est même des vêtements confortables pour tous les enfants, mais qui soient pas forcément de marque. Au moins, comme ils sont tous habillés pareil pour l'école, ils peuvent pas avoir de différence. Tout le monde est dans le même bain. Et ça, il faut remettre ça au goût du jour. Donc ça, après, je pense que c'est un peu discutable. Je pense qu'on peut en discuter quand même, parce que est-ce qu'on pourrait pas tout simplement aussi apprendre à accepter les différences? Tout simplement. Donc c'est peut-être pas facile, mais si on commence très jeune, je pense que ça peut se faire facilement. Tu voulais réagir? Non, parce qu'on avait aussi parlé du coup la semaine dernière de quelque chose qui me semblait très intéressant, c'était de favoriser les déplacements territoriaux, c'est-à-dire que par exemple, il y a encore des voyages de classe avec des échanges d'élèves, par exemple en Angleterre, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on le ferait pas tout simplement en France et dans toutes les... peut-être pas toutes les années, mais au moins dès le plus jeune âge, et ensuite après, on peut être, je sais pas, deux camarades de classe qui vont dans une famille et deux autres camarades de classe qui vont dans l'autre famille. Et donc du coup, ils se rendraient compte, et aussi, pas d'une ville, dans une autre ville, dans une campagne, ça peut être aussi, en banlieue, mais et que tout le monde échange, voilà, que les élèves du 16e partent, j'en sais rien moi, en Picardie, puis après, ils iront en banlieue de Lyon, enfin, vraiment des choses, et ça, ce serait très intéressant, justement pour penser la différence de façon pratique. Très intéressant, ouais, pour découvrir un peu les modes de vie de tous les gens, de toutes les cultures qui existent en France, parce qu'il y a beaucoup de cultures en France différentes. Faut le savoir, et faut que les enfants en aient conscience. Il y a une pub de France Culture, cultivons nos différences, mais voilà, c'est un slogan publicitaire, ça veut rien dire, quoi, du coup. Tu vois, c'est juste, voilà, ça fait beau, quoi, c'est tout. Oui, moi, je parle d'accepter, hein. Cultiver, bon, après, oui, c'est vrai, cultiver la différence, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Accepter les différences, c'est quand même... Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir encore? Je rappelle que le thème, voilà, là, ce soir, hein, c'est l'éducation. Et là, c'est donc les écoles finlandaises, les écoles Fresnel, Montessori, Steiner. Voilà, c'est des gens qui nous ont dit la semaine dernière qu'ils voulaient qu'il fallait mettre ces écoles en avant dans notre système. Et voilà, donc nous, on voulait vos avis, savoir quelles activités pratiques on pourrait mettre en avant selon ces sujets. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Tu veux pas réagir? Vous voulez? Allez-y. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qui peut déjà, je veux dire, poser des questions un peu plus pratiques. Donc qu'est-ce qui permet d'accéder, je veux dire, à des notions, voire à la culture aussi? Le logiciel libre. D'accord. Je vois que dans les écoles, au niveau du matériel informatique, c'est Windows partout. Hein. Pourquoi déjà les écoles n'utiliseraient pas Linux et les logiciels libres? C'est-à-dire faire une démonstration de l'accès à l'outil informatique pour tous et de l'accès au numérique pour tous. Puisque maintenant, dans notre vie quotidienne, on a besoin du numérique pour accéder. Pour accéder à la culture, on peut aller dans les bibliothèques, mais aussi on peut utiliser l'outil numérique. Voilà. Or, l'outil numérique, c'est encore onéreux. Tout le monde ne peut pas y avoir accès. Et déjà, bon, maintenant, je vois qu'il y a des systèmes de Fab Lab. J'étais la semaine dernière à la fête de l'UMA. Donc, il y a des assos de type Fab Lab qui se montent, justement, pour pouvoir se... et notamment permettre la récupération de matériel informatique usagé, de remonter des ordinateurs, les faire remarcher et d'installer des systèmes d'exploitation type Linux ou logiciels libres. Justement, ce qu'on devrait faire aussi, multiplier des ateliers de type FabLab auprès de la population. Merci pour votre intervention, c'est très intéressant en effet. En effet, les logiciels gratuits, ça n'était pas encore... Juste pour rebondir sur ce que disait le monsieur à l'instant, le ministère de l'Éducation nationale vient de passer un contrat avec Microsoft qui offre ses logiciels gratuitement aux élèves, justement, pour les habituer aux logiciels Microsoft. Et après, une fois qu'ils seront bien habitués, bah, ils les feront payer, quoi. Voilà. Et il y a un contrat qui vient d'être passé avec l'Éducation nationale et Microsoft. Justement, là, dernièrement, j'ai lu ça aujourd'hui sur le journal. Ouais, bah, je pense qu'eux, ils connaissent leur solution. Hein, c'est foutre les gens devant un écran et qu'ils en sortent jamais. Et pour compléter ta complétation, on va pas parler bien français. Je sais pas si vous êtes au courant, l'Éducation nationale a un espèce de projet foireux de distribuer des tablettes à plein d'étudiants. Alors j'ai pas très bien compris si c'est des collégiens, lycéens. J'ai surtout pas compris comment ça va être financé, mais j'ai une petite idée. Ça va être toujours la même chose. Mais oui, d'ailleurs, enfin. On en avait déjà un peu parlé, je crois, notamment en ciblant ce qui se passe un peu aux États-Unis avec des manuels scolaires sponsorisés par des grandes firmes. Et moi, je me rappelle, il y a quelques temps, il y avait un truc qui était pour le coup assez sympa. C'était Leclerc qui proposait de ramasser les déchets dans les forêts. Et je sais qu'il y avait des associations qui s'étaient battues contre ça parce que du coup, il y avait Leclerc marqué partout et bah, du coup, les gamins, ils se baladaient avec des sacs Leclerc, quoi. Donc bon, bref, voilà. Des exemples de choses où sur le coup, on dit « Ah ouais, c'est chouette !» Et puis derrière, bah, il y a toujours le côté capitaliste qui ressort et c'est un peu irritant. D'accord, tout à fait d'accord. Merci pour ton témoignage. Bon, je pense qu'on va... Tu voulais réagir ? Moi, la seule chose que je voulais dire, c'est que bon, c'est bien de dire que, par exemple, que les enfants aient accès à Linux, tout ça. Mais quand j'entends dire que l'illettrisme est en place, que les jeunes ne savent pas ni lire ni écrire, donc je pense que peut-être la matière première, c'est que tout le monde ait accès à la lecture, l'écriture, et une fois qu'ils en sont là, les faire entrer dans un cursus d'instruction. Voilà. Merci. Oui, tout à fait, bien évidemment. Bien évidemment, il faut apprendre à écrire avant toute chose et apprendre à lire et à parler aussi, bien évidemment, à s'exprimer. Ah oui, à penser, oui, bien évidemment. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à un thème suivant. Hein. Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Développer l'imaginaire de l'enfant... en mettant en avant la création et pas seulement l'acquisition de connaissances, expérimentation des émotions, du sens, favoriser l'expérience, pousser les enfants à se mettre à la place de l'autre, enseigner, c'est tenir compte des particularités, le rapport aux autres, l'amour, la peur. Donc en gros, voilà, c'est donc développer l'imaginaire des enfants et l'expérimentation des émotions, que les enfants prennent conscience de leurs émotions. Et ça, je pense que c'est un point très important. Pour pouvoir partager des moments avec les autres, des moments de bienveillance. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir là-dessus ? Non ? Non, pas spécialement de réaction pour le moment ? Donc bon, voilà, apparemment on en a déjà parlé un petit peu. C'est vrai que bon, au début on était sur l'évaluation, on s'est un peu éparpillé, mais... mais bon, donc on va passer au point suivant. Oui. Ouais, non, parce que je vois, il y avait développé l'imaginaire, tout ça. Et juste, ça me rappelle. Enfin, je suis désolé, je répète une proposition, mais en fait, je vois que on l'a pas forcément reprise ici, donc je la répète. C'était que les élèves puissent choisir leur livre, en fait, choisir leur livre dans l'année qu'ils ont. Enfin, du coup, qui s'imposent eux-mêmes collectivement, d'une certaine sorte, mais en tout cas qui choisissent eux-mêmes ce qu'ils ont envie de lire, parce que voilà, ça change de leur imposer. Voilà, ouais, du coup faire des ateliers où chacun raconte un peu l'histoire du bouquin qu'il a lu et que tout le monde échange. Du coup, oui, ça rejoint en fait pour les émotions, en fait c'est un partage des émotions, pourquoi moi j'ai voulu lire ce livre et ce que j'ai ressenti, etc. Et voilà. Qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ton bouquin il aurait pu m'apporter, etc. Tu veux réagir? Oui, aussi parce qu'on propose aux enfants de faire des rédactions, je sais plus s'ils appelaient ça rédaction personnelle ou quelque chose comme ça, enfin où ils écrivent une histoire, mais en fait cette histoire-là elle est lue par l'enseignant qui corrige les fautes et qui l'évalue et qui fait peut-être un potentiel de créativité là-dedans, mais enfin ce qui serait intéressant c'est qu'à la limite il y a des séances en classe où chacun écrit une histoire et après il la lit devant tout le monde, ou quelqu'un d'autre la lit, encore mieux, quelqu'un d'autre la lit à sa place. Et donc chacun lit l'histoire de l'autre, et ça pour développer justement les imaginaires et les utiliser, parce qu'il y a peut-être des histoires, il y a des personnes qui ne savaient même pas que cette histoire, ça, parce que ça vient d'un autre monde qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne savaient pas qu'il était possible, enfin, je pense que ça pourrait être assez génial aussi. Ouais, ouais, très bonne idée ça. Juste pour rebondir sur l'idée de Adèle, là, à l'instant, les écoles freinaient, bah c'était ça, hein, un peu, hein. C'était ça un peu, c'était des histoires, les enfants écrivaient des histoires et tout ça, il y avait tout ce côté là, ils écrivaient leur journal, etc. Pardon, excusez-moi, j'ai... Voilà quoi. En fait, voilà, faut regarder un peu au niveau de l'école freinée, c'était un peu ça l'idée au départ, ils leur faisaient faire des journaux personnels, des petites histoires, tout ça exprès pour justement qu'ils puissent exprimer leurs histoires, leur vie, etc. Voilà. Mais d'ailleurs, nous, on l'a organisé ici et ça a très bien marché. Hein. Chacun devait écrire sa journée idéale dans une société idéale. Et on l'a lu. En fait, chacun a écrit son histoire. Et c'était anonyme et chacun a lu les histoires des autres en tirant au sort une histoire. Et c'était vraiment sympa. Et déjà, en étant adulte, c'est intéressant. Alors, quand on est des enfants, je pense que ça apporte beaucoup. Alors, moi, je ne suis plus une enfant, mais du coup, moi, j'ai eu un parcours difficile. Heureusement, j'ai eu la chance de croiser le slam, l'art-thérapie, parce que j'arrivais même plus à réfléchir. Quoi. J'étais un robot, c'était l'enfer. Bah, il m'a fallu plus d'un an pour réussir à écrire. Et du coup, c'est un format court, c'est 3 minutes 10. Et d'être précis comme ça sur un temps court... Du coup, ben, j'ai réappris à réfléchir, à repenser, à m'exprimer, à m'écouter. Enfin, et vive l'art-thérapie, bordel. Enfin, pour les gens qui sont... Ça peut sauver des vies, vraiment. Voilà. Merci. En fait, je vais complètement rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est, je pense que pour tout ce qui est émotion, etc., etc., il faut passer par les arts. N'importe lequel. Moi, ici, j'ai déjà parlé de l'impro. En prenant l'exemple de Jamel et des enfants qui le font, et je trouve ça extraordinaire à l'école parce que ça leur fait découvrir des choses sur eux-mêmes. Et il y a pas longtemps, notre maître peinture Jérôme, il y a un gamin, c'était un couple d'anglais, un gamin qui nous voyait peindre, et on lui a donné un peu de peinture et on a scotché une feuille blanche et il a dessiné une barbouze sur son papier. Et c'était super sympa, c'était complètement improvisé et complètement improbable, on l'a gardé même. Et moi je trouve ça génial. Et du coup ça révèle, je vais y arriver, bah tout ce qui est sentiment, extériorisation, etc., etc. Pour moi c'est de l'art quoi. Et du partage, oui, bien évidemment. Et ça je suis pas sûr que en tout cas ça soit fait énormément actuellement à l'école. Mais il faut continuer. Ouais, vas-y. Par rapport à l'art-thérapie, pardon, j'ai juste entendu une nana qui était art-thérapeute, mais même là, aux endroits où elle exerçait son métier, il voulait du rendement. Enfin, tu vois, il fallait des choses concrètes, quoi. Genre, en 6 mois, il faut que... Sinon, on supprime. Mais même là, quoi, c'est un truc de rendement. C'est hallucinant. Oui, bien évidemment, il faut que ce soit mis en place dans des bonnes conditions, ce genre de choses. Développer l'imaginaire de l'enfant. Est-ce que quelqu'un a des idées là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est un point important. Et ouais, t'as une idée? Ben, pour développer l'imaginaire de l'enfant, il faut simplement le laisser faire. Il le fait très bien tout seul. Hein. Bien sûr, il le fait très bien tout seul. Hein, mais bon, on peut mettre en place des activités. C'est peut-être eux qui vont mettre en place des activités. Je sais pas. Tout simplement, on lui demande qu'est-ce qu'il veut faire comme activité ou qu'est-ce qu'il veut faire comme quelque chose de créatif. Et c'est simplement lui qui choisit, quoi. Ça peut même quelque chose de nouveau qui n'a jamais été inventé ou existé. C'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé de dire par les critères qui existent déjà dans ce monde, tu vas faire en sorte de créer une imagination là-dessus. Non, tu vas dire, bah tiens, si t'as envie de faire quelque chose de nouveau qui n'a jamais été existé, tu peux. Je suis d'accord, ça peut, on peut essayer de le mettre en place, hein. C'est, ça, faut voir ce que ça donne. Les enfants ont naturellement une grande imagination, alors arrêtons de vouloir développer leur imaginaire, ils le font tout seuls. Tu prends trois petits enfants de 3-4 ans, tu les laisses dans une cuisine, ils vont te prendre les cuillères en bois, les casseroles, les gamelles, ils vont te faire un orchestre, ils vont te construire un bâtiment, ils vont te faire n'importe quoi, ils vont jouer, ils vont faire des choses extraordinaires. Simplement, faut les laisser faire. Le problème, c'est que les gens ne les laissent pas faire parce que ils vont abîmer ceci, ils vont casser des assiettes, tatati, tatata, c'est tout. Mais les enfants, naturellement, un grand imaginaire. Je ne connais pas un seul enfant qui n'a pas d'imaginaire. Même les enfants les plus autistes, dans leur tête, à l'intérieur, ils ont un imaginaire. Simplement, on n'y a pas accès. Mais certainement qu'ils en ont un. Donc, faut arrêter de vouloir formater tout le monde, de former tout le monde. On ne développe pas, on les laisse jouer naturellement. Rien que ça. Ensuite, pour tout ce qui est art-thérapie, tout ça, je suis absolument d'accord avec Caroline. Sauf qu'actuellement, nous sommes dans une société de formatage et que même, moi je suis psy, hein. Donc, même dans les institutions qui se voulaient à une époque les plus ouvertes, elles sont devenues fermées. Et effectivement, nous sommes dans un système de rentabilité. Donc, tout ce qui était en place pour soigner les gens, sans les brimer, sans les juger, eh bien, a été perdu et ben on retombe dans un système éminemment répressif. Voilà. Merci. Et donc pour l'imaginaire de l'enfant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, aujourd'hui, c'est reconnu que l'école bride complètement l'imaginaire des enfants. Donc là, on. Et c'est, il faudrait, oui, les adultes aussi, mais parce qu'ils ont été éduqués comme ça, hein, tout simplement. Mais en fait, ce serait vraiment le but, c'est de créer des activités à l'école qui puissent profiter, que les enfants puissent profiter de leur imaginaire, laisser libre cours à leur imaginaire. Voilà, ce serait plutôt ça. Donc, ok. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore des gens? Tu veux, ouais. Alors, du coup, ça va faire un pont avec d'autres parties, mais j'ai le droit ou? Oui, d'accord. Non, parce que la question de l'imaginaire, c'est aussi le problème de ce que l'adulte dit, c'est faux ou c'est vrai. Et je trouve que c'est vraiment, hein, j'ai pas de réponse hein, sur ce que je vais avancer, mais la question par rapport à l'enfant, quand il raconte une histoire et qu'on lui dit, mais est-ce que c'est la vérité de ce qui s'est passé? Mais peut-être que c'est la vérité de ce qui s'est passé dans sa tête, mais c'est pas la vérité objective telle que nous on la conçoit de ce qui s'est passé, de ce qu'il a perçu avec ses copains. Et alors là, c'est pour ça que je dis que j'ai pas de réponse. Est-ce qu'il est nécessaire d'inculquer aux enfants ce qui est vrai de ce qui est faux par rapport à ce que les gens voient autour d'eux et qu'il faut bien qu'ils aient un point de vue objectif? Ou est-ce qu'on peut aussi prendre en compte le fait que ce que l'enfant imagine comme vrai est lié aux sensations, à ce qu'il a vécu à ce moment-là dans cette situation? Et c'est une autre forme de vérité. Il n'y a pas « ça c'est vrai, ça c'est faux ». Il y a différentes formes de vérité. Il y a la vérité de ce qu'il a ressenti et la vérité de la situation par rapport à ce qu'ont senti les autres. Enfin, je sais pas trop quoi en faire, mais il me semble que ce rapport-là au vrai-faux par rapport à ce que fait l'enfant, ça brime aussi énormément l'imagination. Donc dans les familles autant qu'à l'école. Ok, merci. Merci. Tu veux réagir? Donc moi, j'ai travaillé dans le domaine de la petite enfance, c'est-à-dire en crèche, et je me souviens, il y avait une année, c'était dans la section dite des grands, donc les 2-3 ans, il y avait un atelier peinture. Et chaque fois que cet atelier peinture était ouvert, il y avait un enfant qui demandait à peindre. Donc moi, je le prenais, je lui disais, bah vas-y. Et cet enfant ne peignait pas, enfin, il ne peignait pas, il repartait en ayant laissé sa feuille blanche. Et pendant toute l'année, quand il m'a demandé à peindre, et chaque fois que je lui disais oui, les collègues me disaient, mais attends, tu le prends, et il ne peint pas. J'ai dit, mais pour moi, le but, c'est pas qu'il peigne. S'il veut venir, c'est qu'il a une envie. Eh bien, une fois, il a pris le pinceau, il a fait un grand trait comme ça, et ben voilà. Et ça a été son œuvre de l'année. Donc, je dis, voilà pour l'imaginaire. Et moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle, parce que j'ai 3 enfants, et mes 3 enfants ont voulu peindre. Et c'est vrai qu'on me disait, peindre dans un appartement, c'est pas possible. Et bien moi, je peux vous dire que mes enfants, ils ont eu chacun un pan de mur dans la cuisine. Quand ils avaient envie de peindre, et bien ils allaient peindre. Et quand des amis venaient, qu'ils voyaient l'état de ma cuisine, ils disaient, mais c'est pas une cuisine. J'ai dit, ben, c'est un atelier de peinture. Voilà, c'est un atelier de peinture. Merci pour ton témoignage. Et ouais, du coup, pour l'imaginaire des enfants, en fait, c'est plutôt les enseignants qu'il faudrait former, je pense. C'est plutôt les enseignants qu'il faut former à accepter l'imaginaire des enfants, en fait. Parce qu'en fait, on a du mal à accepter ça, en fait. On a du mal à le gérer, à l'accepter. Tu veux Non, mais c'est tu peux, hein, si tu veux, vas-y. Oui, alors moi je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Adèle et ce qui a été dit depuis quelques minutes, juste pour apporter un témoignage. Moi, par exemple, quand je suis arrivé au CP, je lisais beaucoup de bandes dessinées, j'étais beaucoup dans les films et ces choses-là. Et il y avait quelque chose qui s'appelait la rédaction. Et alors, moi, je trouvais ça génial, la rédaction, quoi. Donc les premières rédactions que j'ai écrites en 6e, c'était des trucs complètement dingues. Et c'était très rigolo. Bon, enfin, c'était ce que peut écrire un gamin de 10 ans. Et alors, je me suis fait taper sur les doigts. Alors, d'abord par la prof qui m'a foutu des notes catastrophiques et ensuite par mes parents qui m'ont dit « Mais tu peux pas raconter des choses comme ça. C'est pas vrai. Ça existe pas dans la réalité. » Et je crois que, en fait, à ce moment-là, j'ai mon imaginaire, et ben, je l'ai déporté de l'école. C'est-à-dire que je suis devenu scolaire, je me suis dit « Ah ouais, d'accord, il faut écrire des trucs vraiment bien dans la ligne. Bah, je vais écrire des trucs bien dans la ligne. » Et puis, je me suis intéressé vers d'autres choses. Plutôt vers la musique, où je pouvais trouver quelque chose qui me sortait un peu de la réalité, qui travaillait mon imaginaire. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça a créé chez moi une sorte de frustration, notamment vis-à-vis des cours de français, vis-à-vis de l'écrit, vis-à-vis de la lecture. Et en fait, je dirais que je crois que les profs sont en partie responsables de ça. C'est-à-dire que quand ils voient un élève qui écrit un peu n'importe quoi, bon, des choses qui vont un peu dans tous les sens, bon, bah, qu'ils en discutent avec l'élève et qu'ils lui mettent pas une sale note en disant ah non, il faut écrire un truc qui soit dans la réalité, qui soit bien dans le cadre. Donc voilà, ça rentre un peu dans le cadre de l'imaginaire. Il faut vraiment développer l'imaginaire des enfants parce qu'après, leur imaginaire, ils le développent ailleurs et dans d'autres choses que l'école ne fournit pas. Alors c'est peut-être pas plus mal, mais je pense que ce serait bien que l'école ne brime pas ça. Alors peut-être fournisse des outils pour développer l'imaginaire, mais à la rigueur, la façon dont on brime l'imaginaire des élèves à l'école, je trouve ça bien dommage. Donc, attention aux mots que tu emploies parce qu'il y a des gens qui nous surveillent et c'est pas développer l'imaginaire de l'enfant. Hein. Parce que l'enfant a déjà énormément d'imaginaire. Ouais, j'assume tout ce que je dis, hein, désolé. Non mais voilà, c'est pour être précis. Non, mais parce que je pense que madame a raison, c'est vraiment les enfants, on n'a pas besoin de développer leur imaginaire, il faut juste accepter, voilà, laisser libre cours à leur imaginaire et les laisser aller jusqu'au bout de leur voilà, qu'ils le construisent eux-mêmes. Donc est-ce que quelqu'un veut continuer à réagir? Ouais, vas-y. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit par le jeune homme. Je pense que c'est la recherche de résultats en fait qui compromet l'expression de l'imagination, et voilà. Enfin, donc c'est peut-être ça à l'école le problème aussi, c'est que ça vient complètement brider beaucoup de démarches que l'enfant peut avoir. Ouais, vu qu'il a un résultat précis à obtenir, ça bride complètement son imaginaire, quoi. Il est fixé sur son objectif avant de pouvoir penser à ce qu'il pourrait imaginer. Juste pour faire un ajout par rapport à ce qu'a dit la dame, non seulement l'enfant est bridé, mais aussi les enseignants, du coup, se disent non, il faut qu'on ait cet objectif à la fin de l'année. S'ils commencent à nous raconter l'histoire des Schtroumpfs qui sont descendus de la montagne, on va pas s'en sortir. Donc on va revenir tout de suite à le cours de français. Cette lettre-là va après celle-ci. Donc il y a ça aussi qui fait que tout ça rentre là-dedans et qui limite énormément notre perception du monde, de ce qui nous entoure, mais aussi le rapport aux choses, aux autres êtres humains, enfin. Oui, parce que si l'enseignant il fait un rapport à son supérieur en disant bah voilà les enfants ils parlent de ça dans la classe, ça va pas le faire, c'est sûr. Donc il faut déjà changer en amont la recherche, ce qu'on recherche chez les enfants. Ah, apparemment on veut en savoir plus sur ton histoire de Schtroumpf, donc tu pourras peut-être développer après. On verra si on a le temps. Ouais. Donc voilà, est-ce que quelqu'un veut encore réagir sur l'éducation des enfants, et on est sur l'imaginaire des enfants. Donc laissez libre cours à l'imaginaire des enfants. Est-ce que vous avez des idées de comment on pourrait faire des activités, des choses, des pensées qu'on devrait avoir dans dans le corps de l'éducation. Sinon, on passe au point suivant, tout simplement. Ouais, c'est bon, je pense que tout le monde a... Point suivant, ouais, c'est parti. Ouais, imaginez qu'il fait chaud et puis ça ira. Hein. Alors, que tout le corps de l'enseignant, que tout le corps de l'enseignement, élèves, cantine, famille, aide, prof, prennent part de façon démocratique à l'élaboration des projets et programmes. Voilà, donc ça c'est un thème qui a été mis en avant la semaine dernière. Et bah voilà, moi je vous propose de le développer. Qu'est-ce que ça vous inspire? Si vous voulez, je le relis. Que tout le corps de l'enseignement, élèves, cantine, famille, aide, prof, parents aussi d'ailleurs, enfin oui, famille d'ailleurs, prennent part de façon démocratique à l'élaboration des projets et programmes. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir sur ce thème? Oui. C'est pour aborder ce thème-là du côté de la bouffe. Je connais une école où l'instit et le cuisinier ont réussi à imposer de la nourriture biologique, et pour que les enfants s'intéressent et qu'il n'y ait pas d'histoire de halal, de pas halal, de ralouf, t'es pas ralouf, eh bien, ils font pousser ensemble des légumes, des fruits, ils les récoltent ensemble, ils les cuisinent ensemble, ils élaborent les menus ensemble et ils les bouffent tous ensemble. Mais tout le monde bouffe ce qu'il y a, viande ou pas viande, il n'y a aucun problème. C'est formidable. C'est une toute petite école dans un petit village, et la preuve, c'est ça marche, quoi. Si on a une volonté éducative et politique, ça marche. Et c'est simple à mettre en place. Alors ça me paraît être un point très important, que les enfants comprennent que les pommes, elles poussent pas dans le supermarché, quoi. voilà, exactement, ouais. Non, c'est vraiment important à mettre en place, et ça se fait de plus en plus. Je crois bien que ça se fait de plus en plus d'amener les enfants à cultiver quand même. Mais là, cultiver dans l'école, ouais, c'est une bonne idée. Donc voilà, est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Une autre idée, tout simplement, c'est déjà bien. Ou un témoignage, ou... Donc, le truc, ça, c'est que tout le monde dans l'école puisse participer à l'élaboration des programmes, en fait, des projets et des programmes. C'était participer en démocratie, je crois, c'était dit d'ailleurs. Ouais, démocratiquement, voilà. Et c'est aussi simple, mais déjà, je suis très d'accord, je pense qu'il devrait, au niveau de la nourriture. Je pense qu'on devrait même ils devraient préparer le repas ensemble et tout. Bon, peut-être pas tous les jours, parce que c'est peut-être pas faisable tous les jours, etc. Mais préparer le repas, et je pensais à des choses même comme choisir certaines sorties, certains voyages, toutes ces choses-là, en fait, les choisir en groupe, quoi. Pas toujours dans un sens, pas toujours le prof et l'équipe pédagogique qui choisit. Faudrait demander l'avis aux enfants, tout simplement. Donc voilà, juste pour des choses aussi simples que les sorties, les voyages, voilà. Allez, vas-y. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Ouais, tu veux? Vas-y. Ça n'a pas trop de rapport à ce qu'on vient de dire, mais je me souviens juste d'avoir lu une histoire quand j'étais petite c'était une classe qui voulait monter l'histoire de Blanche-Neige, et c'était une petite fille noire qui tirait au sort le rôle de Blanche-Neige. Et au fur et à mesure de l'histoire, ça devenait, au lieu de devenir l'histoire de Blanche-Neige, c'était plus l'histoire de. Plus une histoire africaine où justement sa mère aidait à faire les costumes, tout ça. Et du coup, ça me fait penser que, pour accepter les différences aussi, je comprends que, on dit que il faut que les enfants apprennent l'histoire du pays dans lequel ils vivent, mais que justement, les enfants dont les parents sont immigrés, les parents aussi pourraient participer à faire découvrir leur culture, et même si on vit dans un pays, ça pourrait être aussi l'occasion de faire participer les parents à l'école, et qu'ils comprennent, parce qu'eux, ils ont vécu dans un autre pays ou dans une autre école, et que du coup, ça leur permettrait de s'impliquer aussi dans l'éducation de leurs enfants et des autres enfants qui sont là, et qui comprendraient un peu d'où leur camarade vient aussi. Et ça permettrait peut-être aussi d'intégrer un peu plus les parents, qui pourraient aussi se sentir plus intégrés dans l'ensemble des parents, même s'ils ne viennent pas tous du même pays, quoi. Alors c'est un point très intéressant, en effet c'est bien, parce que c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de parents qui se sentent rejetés par le système éducatif, parce que soi-disant ils savent pas lire ou ils savent pas écrire la langue française, ça arrive, et s'ils sont invités dans l'école pour montrer leur culture aux autres enfants, les autres enfants seront émerveillés parce que eux ils savent, en fait, et parce que les enfants sont souvent émerveillés. Prise de parole ici, après je te passe le micro. Ouais, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit. En fait, je pensais à la même chose. Je pensais, par exemple, à la question des programmes. bon, je sais pas si si on prend les maths, je sais pas si les parents peuvent avoir vraiment un avis sur on va étudier Thalès ou avant Pythagore ou ces choses-là. Mais concernant l'enseignement de l'histoire, oui, c'est très intéressant. Je pense que dans certaines communes, eh ben, on pourrait laisser le choix entre étudier l'histoire de la commune, l'histoire de la région, mais aussi une histoire plus globale ou une histoire de certains pays. Et ce serait l'occasion, oui, de faire participer les parents qui pourraient venir et parler de, par exemple, on ferait venir les parents ou même des grands-parents. Prenons au fin fond du Berry, bah, ils viendraient raconter aux petits-enfants comment c'était quand ils étaient jeunes et qui racontent comment c'était la vie à l'époque, dans la campagne, quand il n'y avait pas forcément l'électricité, quand il y avait la guerre et ces choses-là. Et puis dans d'autres quartiers, bah, y a les parents qui pourraient venir parler de comment c'était dans le pays d'origine, d'où ils viennent. Donc c'est-à-dire, ça peut être des gens qui peuvent venir d'Asie, qui peuvent venir d'Afrique, et on pourrait avoir des témoignages, parce que l'enseignement de l'histoire, il faut bien comprendre que ça repose aussi pas seulement sur un cours magistral du professeur, mais aussi sur le recueil de témoignages. Et je pense que ce serait une bonne façon d'impliquer les familles au programme d'histoire, par exemple. Merci. Merci pour ton témoignage. Tu voulais... Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que disait mademoiselle. En fait, ça me fait penser aussi en fait que du coup, on pourrait même... ça touche un peu moins aux enfants, mais plus pour les parents, que le fait de les rassembler comme ça aussi et de mélanger aussi les cultures, en fait, selon nos cultures, etc. Je pense qu'on n'éduque pas nos enfants de la même manière, mais du coup, je pense qu'il y a du bon à prendre partout. Et du coup, ça permettrait également aux parents de d'améliorer leur éducation, en fait, tout simplement, voilà, au sein de la famille, quoi. Voilà. Merci. Tiens. Alors, quand on parle d'enfance, moi, je vais te répondre directement. Tu as parlé d'enfance, tu as parlé de tout ça. Mais au niveau de l'enfance, il faut savoir que à l'école, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences. En fait, le professeur, dès qu'il voit que c'est une famille pauvre, une famille restreinte, il va te mettre avec un bonnet d'âne. Ce qu'on appelle le petit bonnet d'âne, le petit béret rouge. Pourquoi ? Au fond de la classe, tranquille, parce que tout simplement, tu n'es pas capable d'apprendre. Moi, je te parlais de pas capable d'apprendre, si, j'ai appris beaucoup. Mais en apprenant, c'est pas l'école qui t'apprenne, c'est pas les bouquins, c'est pas l'écriture. C'est simplement la théorie des anciens, c'est-à-dire d'apprendre à parler avec les autres. Et si ces gamins arrivent à parler entre eux, et d'aller voir les anciens pour pouvoir connaître en dehors de leurs livres, ben là, ils peuvent tout gagner. Parce que derrière, en apprenant en dehors des livres, tu apprends réellement la vie, tu apprends réellement ce qui s'est passé dans tous les pays, principalement en France, la Révolution en 1780, la guerre mondiale, où les anciens l'ont vécu. Mai 68, où tes parents peuvent te le dire. Ils l'ont vécu. C'est de l'éducation. C'est tout simplement que les gamins ne veulent plus s'intéresser à l'éducation en eux-mêmes. Ils veulent s'intéresser simplement au capital. Parce que dans ce monde, on est devenu capitaliste. Et c'est ça qui fait les choses. Parce que le gamin qui va à l'école, bah, il retrouve à l'école, il retrouve quoi ? Une belle tablette, toute neuve, iPhone. Des gamins de 8 ans qui ont déjà un téléphone portable, un iPhone 4, un iPhone 5, un iPhone 6. C'est quoi tout ça ? C'est pour pouvoir se préparer à pouvoir les rentrer dans le capital, mais en même temps, de pouvoir leur apprendre la technologie. Moi, à mon époque, j'avais pas de technologie. Mon tout premier téléphone, c'était un NEC. Un NEC, NEC, hein. Les anciens téléphones, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, mon premier téléphone. Pourquoi ? Pour pouvoir joindre ma mère, parce que j'étais en dehors de ma mère. Il faut savoir que le problème de la vie, à cette heure-ci, c'est ça, c'est la technologie. La technologie, elle a tout fait. Alors, est-ce qu'on doit enlever cette technologie ou on doit la garder pour que ces gamins restent encore cons ? Merci. Moi, pour par rapport au rôle des parents, je suis désolé si je fais de l'ardite parce que je n'arrête pas de regarder comment on vole la bâche. Donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai déjà dit, mais j'ai une sœur qui est prof et qui me dit qu'aujourd'hui, bah, en gros, les parents, c'est un peu une mère ex-instit. C'est un peu genre la garderie, quoi. C'est on vous laisse vos enfants, vous vous débrouillez. Et justement, je crois que dans le thème, on parlait du rôle des parents. Mais en fait, les parents, il faut qu'ils soient associés avec ce qui va se passer avec leurs enfants et qu'ils aient plus ce côté garderie, c'est vous qui vous débrouillez. Et s'il se passe quelque chose, c'est l'enseignant ou le prof qui se fait engueuler parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Et ça, je trouve que c'est symptomatique. Et pour rejoindre un peu ce qu'a dit Seb, on a tendance maintenant aujourd'hui, les enfants, moi je le vois, hein, même des gens qui me sont proches, dès que ça crie un peu, c'est on les met devant la télé, on les met devant la tablette. Et c'est le moyen pour les calmer, en fait. Et moi, je me rappelle quand on faisait des bonhommes patates à la maternelle, il faudrait qu'on retrouve un peu cet esprit bonhomme patate. Et c'est vrai que, et surtout les parents, ouais, faut les associer, faut leur expliquer que, alors je sais pas si ça s'appellera des classes dans la société idéale, mais en tout cas, tout ce qu'on est en train de parler, il faut que ça soit forcément associé et qu'on explique la façon pédagogique pour qu'eux ils comprennent et les associer. Et je pense que, même au-delà, ça pourrait réduire plein de problèmes qu'on peut retrouver après avec des jeunes qui ont eu des éducations compliquées, etc., etc. Et je pense que ça peut faire du bien, même aux parents, de faire de la peinture avec leurs enfants, des choses. Et je trouve que c'est important. C'est un truc tout con, hein, mais c'est de les assimiler à tout ça et de leur expliquer. Après, c'est vrai que, c'est une très bonne idée, mais il faut que les parents aient du temps libre, en fait, du temps libre, parce que. Dans la société idéale, les parents auront du temps libre, en effet, oui, bien évidemment. La question ne se pose même pas, voyons. Suis-je bête? Alors, vas-y. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais du coup, en fait, là où c'est intéressant, c'est je pense que, comme il dit, il y a un effet, les parents laissent leurs enfants à l'école, c'est la garderie, mais je pense aussi, c'est aussi parce que les parents sont assez déresponsabilisés, en fait, de l'école, enfin, comme il a dit, ils sont complètement désassociés de l'école, du coup, c'est assez logique, quoi. Il voit bien qu'il a aucun pouvoir dans l'école, le parent, donc il arrive, la seule chose qu'il a le droit de faire, c'est laisser son enfant. Après, bon, il a le droit de se plaindre, il y a des associations et tout ça, mais on a le droit de savoir un petit peu ce qui se passe, mais enfin, c'est assez limité. Et du coup, je pense que oui, ça va dans ce sens-là. Si effectivement, dans le point qu'on disait, si on participait démocratiquement, parents, profs, tout personnel de l'école, enfants et tout ça, bah voilà, ça ira encore dans ce sens-là, assimiler tout le monde ensemble, quoi. Oui, justement, pour développer un peu concrètement ce que serait le fonctionnement démocratique, je me dis que pourrait y avoir un système de tirage au sort et ensuite différents groupes, par exemple un groupe finance. Comment est-ce qu'on s'occupe du financement? Combien ça coûte? Pour emmener où? Je sais pas, un groupe par exemple voyage. Un groupe, et dans chaque groupe, il y aurait des enseignants, il y aurait des parents d'élèves, il y aurait des élèves, même si c'est en maternelle d'ailleurs, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Il y aurait, enfin voilà, et je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres comme groupe, donc aidez-moi à en trouver d'autres d'ailleurs, enfin si vous avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé. Et voilà, à la limite, déjà. Alors, bonjour. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on reparle un petit peu des classes Europe qui ont été retirées. Ah, je trouve ça complètement débile. Ok. Oh là. Alors, ce que je trouve débile au niveau des classes Europe qui ont été retirées, c'est que ça n'apprend plus assez les langues aux gens et que ça maintient l'enfant dans la différence. Alors ça veut dire que au niveau qu'avant dans les classes Europe il y avait pas mal de voyages organisés dans les autres pays et il y avait des échanges entre élèves qui étaient très très intéressants, pas qu'au niveau langue mais également au niveau us, coutumes, façon de faire, et c'est ça qui fait évoluer réellement les écoles. Mais de même que les parents, c'est pareil, on leur parle pas assez justement de ces fameux voyages en disant eux non plus sont pas dans la décision par exemple de parler du coût, de parler de ce que les enfants vont manger, par exemple, durant leur voyage. Ce qu'ils mangent aussi à l'école, je suis désolée. Les parents sont quand même en droit de décider ce que leurs enfants mangent. Et c'est normal, parce que c'est quand même leur enfant, je rappelle. Hein. Voilà. Je parle en tant que mère de famille également. Hein. Je suis en train de me battre là en ce moment, parce que dans les cantines, à cause de TAFTA et d'autres, on est en train de donner de la vraie merde à nos enfants. Faut dire ce qu'il y a. Ça, c'est scandaleux. Déjà, si on pouvait réapprendre dès la maternelle aux enfants à faire pousser un petit peu ce qu'ils mangent, ça irait déjà beaucoup mieux. Ben voilà. Merci. Point technique. Alors, j'ai un point technique, parce que vous ne le voyez pas forcément, mais il y a des gens que je vais dire merci, gros merci, qui sont en train de tenir la bâche pour éviter que, pour nous protéger tout simplement. Donc, on va les remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme c'est pas des Superman, en fait, on va prendre les derniers tours de parole, parce que après, on va débâcher et on va rempiler. Donc voilà, donc on laisse un dernier tour de parole et puis après, et puis merci surtout à vous d'être resté dans ces conditions un peu particulières, c'est vraiment cool. Et voilà, ça. Alors, on me glisse à l'oreille que c'est quand même l'un des pires jours, vent et pluie depuis Nuit Debout, donc on est là. c'est un peu improbable, mais. On s'imagine toujours sur la plage avec les schtroumpfs d'Adèle, d'accord ? Voilà, pendant 10 minutes encore. Ouais, c'était la montagne. Mais c'est un petit entraînement pour la saison qui arrive. Hein. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Hein, sur, on va dire, la participation démocratique de tout le corps de l'enseignement. Est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Est-ce que vous avez des choses à dire ? Des témoignages, des interventions, des questions ? Voilà, tout est intéressant. Sinon, on va arrêter parce que là, ça commence à mouiller un peu là. Donc non, personne se décide. Voilà. Donc on va arrêter là-dessus. Et merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Et on sera présent vendredi prochain pour continuer l'atelier. Et bien évidemment, on est présent ce week-end à partir de demain, 15h. Et on sera présent dimanche aussi, à partir de 15h. Voilà, tout l'après-midi. Toutes les infos sont sur le site educpop.org. Et on vous rappelle aussi que on est bénévole et on n'est plus beaucoup dans l'équipe. Et nous, on a envie que ça continue. Et si vous avez envie que ça continue, n'hésitez pas à nous aider aussi. N'hésitez pas à venir nous voir pour proposer des interventions, pour nous aider sur les réseaux sociaux, pour nous aider à ramener le matériel, toutes sortes de choses. Nous donner carrément du matériel, faire des dons, tout ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas. Et bonne soirée à tous, rentrez bien, séchez-vous bien. Protégez-vous!